Soyez les bienvenus sur Énergie, il est 5h55, tout le monde va bien? Ça va, ouais. Eh ben ça tombe bien parce qu'on est là avec vous jusqu'à 10h en direct, c'est Manu dans le 6-10, on démarre dans 4 minutes. Mais avant ça, c'est le club du 5-5-5. Comme chaque jour à 5h55, on est ensemble. Et alors attention aujourd'hui, comme chaque jour on va écouter un titre, mais ce titre, c'est vous qui allez le choisir. Sans que vous sachiez que vous allez le choisir. C'est ce qu'on appelle du mentalisme. Êtes-vous prêts? Ouais. Salomé. Oui. Tu te rappelles de vieilles séries à la télé? Oui. Par exemple, une vieille série. Friends. Friends, mais encore plus vieux que ça. La petite maison dans la prairie. C'est toi qui l'as dit? Ouais. Comment elle s'appelait la méchante dans la petite maison dans la prairie? La méchante. La petite fille. Comment elle s'appelait déjà? Oui. Nelly? C'est ça? Garde ça dans ta tête. Oh, le vieux souvenir. Mais je n'ai rien dit. Tant qu'on est dans les vieux trucs, les émissions télé. Oui, j'imagine que vous vous rappelez de vieilles émissions de télé. Il y a le Big Deal qui est ressorti il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore que vous aimeriez peut-être voir, Nico? Je sais pas, La Roue de la Fortune ou un truc comme ça, non? Peut-être, oui, ou alors... Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi... Pas en journalistique. Peut-être qu'il y avait... Oui. Le Juste Prix. Je n'ai pas dit... On est d'accord que c'était... Oui, non, ça vient de Nico. Le Juste Prix. Tu as insisté un peu sur le mot juste, non? Je peux insister sur le mot juste. Tu l'as insisté. Le Juste Prix. Intéressant. Tu aimes bien l'anglais? Oui. C'est comment on dit juste en anglais? Just. Just. C'est toi qui l'as dit? Oui. Lorenza? Oui. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? J'ai dormi. Tu as dormi? Qu'est-ce qui se passe parfois quand on dort? On rêve. On rêve? Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Tu aimes l'anglais toujours? Oui, j'aime beaucoup. Et comment on dit rêve en anglais? Dream. Oh, Nelly, just dream. Ouais. Ça alors. C'est du mentalisme. C'est incroyable. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé. C'est vous qui l'avez décidé. Oh, wow. Je n'ai rien fait, juste que de vous parler. Ce spectacle de mentalisme vous était offert par Énergie. Nelly, just a dream sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, les 6h. Qu'on amène le coq et qu'on démarre cette journée. And you're listening to Energy. C'est parti. On est jeudi, c'est le 30 janvier et on est avec vous pour tous ceux qui font le dry January. Deux jours encore, sans boire d'alcool. Deux jours, le dry January. Courage à vous. Pitbull et Bon Jovi pour démarrer. Il y aura Soul King et Gims aussi. Si vous avez envie d'être le premier appel du jour comme chaque matin, bah, vous nous appelez 0870 42 48. Et on démarre comme chaque jour avec les infos. Toute l'actu avec Sébastien Loff-Lecoq. Bonjour, encore des averses matin sur la Bretagne ainsi que de l'Est jusqu'au bord de la Méditerranée et jusqu'au Sud-Ouest. De la neige sur les sommets à partir de 1300 mètres. Cet après-midi, ça se calme dans l'Ouest avec le retour d'éclaircies. Sur l'Est, ça reste gris et humide. Les températures 3 à 6 pour les minis, jusqu'à 12 en Provence. Les maxi 9 à Cherbourg, 12 à Montélimar, 15 degrés pour Montpellier. Prudence toujours face aux intempéries. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique restent en rouge pour crues. Le pic notamment dans la zone de Redon au sud de Rennes n'est toujours pas atteint. Plus de 1000 personnes ont dû être évacuées depuis dimanche et ce n'est sans doute pas fini. Le trafic des trains entre Rennes et Nantes et avec le Sud-Bretagne est interrompu jusqu'à ce week-end. Attention aussi aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, le Calvados ainsi que dans la Somme en vigilance orange. Le niveau monte toujours aussi pour la grippe. Elle ne nous lâche pas et l'épidémie hivernale s'intensifie encore. Toutes les classes d'âge sont touchées, des enfants aux personnes âgées. Les consultations sont en hausse aussi bien en médecine de ville qu'à l'hôpital où plus de 18 500 passages aux urgences ont été enregistrés la semaine dernière. Ça passe pour tous nos clubs français en Ligue des Champions. Après un festival de buts 6-1 face au Feyenoord Rotterdam, les footballeurs de Lille se sont directement qualifiés hier pour les huitièmes de finale. Le PSG a rassuré grâce à sa victoire 4-1 à Stuttgart. Il rejoint en barrage Brest, puni 3-0 par le Real Madrid de Kylian Mbappé et Monaco, surclassé sur le même score par l'Inter Milan. Pour une place en finale du Mondial de Hand, la France affronte le pays hôte, la Croatie, ce soir à 21h. Une petite révolution dans ce que l'on appelle la chronologie des médias. Disney Plus va désormais pouvoir diffuser les films 9 mois après leur sortie en salle, contre 17 jusqu'ici. C'est en échange d'une hausse des investissements de la plateforme de Mickey dans le cinéma français et européen. On retrouvera les Enfoirés début mars sur TF1, les CD et DVD de leur nouveau show enregistré il y a quelques jours à Montpellier et dispo en précommande. Ils seront en vente dès le lendemain de la diffusion télé avec à la clé pour chaque vente 17 repas offerts aux bénéficiaires des Restos du Cœur. Des films populaires mis à l'honneur au César, le Comte de Monte Cristo arrive en tête des nominations dévoilées hier. Il est cité 14 fois avec notamment Pierre Niney en lice pour le prix du meilleur acteur, en concurrence avec François Civil, lui pour L'Amour Ouf, présent dans 13 catégories. Pour compléter le podium, la comédie musicale Emilia Pérez en course pour 12 récompenses. Enfin, légère déception pour un petit truc en plus, carton 2024 du cinéma français, nommé uniquement pour le meilleur premier film. La cérémonie aura lieu le 28 février. C'est Manu dans le 6-10, très bon réveil avec énergie. C'est nous. On est là. C'est jeudi, on est le 30 janvier 2025, il est 6h04. Soyez les bienvenus parmi nous. C'est Manu dans le 6-10 et cette journée, on va la démarrer tous ensemble avec vous, évidemment. Si vous avez envie d'être le premier appel du jour, eh ben c'est en une, deux minutes, on va vous prendre au téléphone. Vous nous appelez au 0870 40 42 48 pour lancer cette journée avec nous. Nous, c'est Manu et les Ouinouins. Il y a Salomé qui est là. Salut. Il y a Nico aussi. Et coucou. Il y a Lorenza qui est au standard. Salut, salut. Pour démarrer cette émission et avant d'écouter Pitbull, j'aimerais parler d'un truc qui s'est passé hier. Les Corinnes. Ah oui. Ouais, les Corinnes. L'autre jour, on a parlé. Bah, Lorenza, ça a déchaîné. Non, sur moi. Lorenza, c'est. On a commencé à parler des Corinnes. Oui. On a parlé des Corinnes, et puis Lorenza fait. Eh, le prénom Corinne, c'est pas terrible. Ah, oui. Eh, les Corinnes, c'est un peu bizarre. Et j'avoue que moi, je suis rentré là-dedans directement. Je fais, ouais, c'est vrai que le prénom Corinne. Bah. On a eu. Des appels de Corinne. Pas contente. Hein. Sur l'application Manu dans le 6-10, plein de messages de Corinne. Ouais. Gentils les messages. Oui, bien mais sûr. Corinne nous disait qu'elle nous aimait, mais qu'il fallait pas faire chier. C'est ça. On a jugé les Corinnes. Ouais. Et voilà. Et quand on juge les gens comme ça gratuitement, c'est pas joli. Non, pas bien. Mais j'aimerais qu'on le refasse aujourd'hui. Parce que, non mais, la vérité, c'est qu'on déteste être jugé. On n'aime pas quand les gens jugent d'autres personnes parce que quand on comprend pas le truc. C'est vrai. Mais on juge tous. Mais oui. On arrête juste avec les Corinne, rassure-moi. Pardon. Ah oui. On arrête avec les Corinne, on passe à autre chose. On va penser à un autre prénom. Ma question est simple aujourd'hui. Sur quoi vous jugez les gens? 0-870-42-48, ça peut être gratuit. Hein. Comme les Corinne, c'est gratuit. Sur quoi est-ce que vous jugez les gens, Nico? J'ai le droit, par exemple, de juger les gens, moi, qui trempent de la bouse dans leur café. Oh. Je juge les gens aussi là-dessus. C'est un enfer. Mais lâchez-moi avec ça. Ah, mais ça flotte. Tous les matins, je prends mes petits biscuits et je les trempe dans le café. Et à chaque fois, je vois vos regards. Et en fait, ça fait comme du tiramisu. Mais non. C'est bon. Oh, non. Mais si. Non, un tiramisu, c'est un tiramisu. Mais toi, ça ramollit. Tu trempes un truc, ça tombe dedans. Et ensuite, quand tu bois, il y a des miettes. Un truc à croquer. C'est ce que c'est l'eau de la vaisselle. Voilà. Tu bois l'eau de la vaisselle avec des trucs qui flottent, c'est moche. C'est une belle image. Lorenza. Mais moi je le fais aussi. En fait, à la fin, ça fait une petite surprise. Ça te donne un petit dessert quand t'as fini ton café. Oh, c'est comme boire le lait du Chocapic. Ouais. Mais non, c'est comme boire le lait du chat. Enfin, non. C'est pas une surprise. Tu le sais que t'as fait tomber ta cracotte dedans. Mais il y a à boire et à manger. Mais oui. C'est bon. Mais à boire et à manger séparé. T'as raison. Ça fait du bien de juger. On va le faire ensemble. Vous nous appelez ce matin, 0-870-42-48. On juge les gens, en plus ils seront pas là pour répondre, c'est génial. On a Valentin qui est là, c'est notre premier appel du jour. Bonjour Valentin. Bonjour Nani, bonjour les Wanwan. Bienvenue sur Énergie. Valentin, tu juges les gens? Non. Ça, ouais. Bah, c'est toi qu'on juge alors. On va te juger Valentin. Tu nous appelles d'où? De Bordeaux. Tu fais quoi dans la vie? Moi je suis mécanicien sur les engins de travaux publics. Mécanicien sur les engins de travaux publics, genre les tractopelles, tout ça? Voilà, exactement. Je vous ai déjà parlé que mon rêve, c'était de conduire un tractopelle. Oui, mais oui. J'ai été plus loin que ça. C'est pas une vanne. Tu sais combien ça coûte, Valentin, un tractopelle? On est à plus de 100 000 euros, ouais. Quoi? Ouais, alors, les très très gros. Mais sinon, il y en a à 50 ou 60 000 euros. Et j'ai regardé, il y en a même d'occasion à 15 ou 20 000 euros. Tu veux acheter un tractopelle pour creuser des trous dans ton jardin? Je veux pas l'acheter, je veux que vous me l'offriez, s'il vous plaît. Ta cagnotte. Un petit jouet, d'accord, là, un grand vrai. Un de mes rêves, c'est vraiment d'être dans un tractopelle. Et d'être, tu vois, d'avoir une sorte de grande prairie, un truc comme ça. Ouais. Et on me dit, voilà, pendant 2 heures, tu fais les trous que tu veux. Mais quoi? Je trouve ça, je sais pas pourquoi. Le creuseur fou. T'as déjà tractopellé, Valentin, toi-même? Ah oui, plein de fois. C'est cool? Ça détend. Ah ouais, ça me détend tellement. Et là, avec le gros truc devant, la claque, c'est incroyable. Si tu le fais dans le jardin d'un mec, lui, ça va moins le détendre. C'est clair. Oh, ce serait tellement incroyable. La surprise, c'est quoi ces trous? Salut Bernard. Et mon rêve ultime, ce serait un jour d'arriver dans un restaurant chic, en tractopelle, et donner les clés aux voituriers. Ah, oui. Et là, c'est bon, j'ai fait ma vie. Valentin, t'es notre premier appel du jour. Tu sais quoi, pour te remercier de nous avoir appelé, d'avoir parlé de tractopelle et de nous avoir fait tous rêver, eh ben, je t'offre le mug Manu dans le 6-10 pour démarrer la journée avec nous. Merci beaucoup, c'est adorable. Eh ben, merci à toi d'être là avec nous chaque jour. On te souhaite une belle journée. 6h09, Pitbull et Bon Jovi tout de suite. Et juste après, eh ben, les sondages du matin sont là. Parce que tous les matins, on a des sondages pour vous. On appelle ça les sondages du matin. 5% des parents ont déjà oublié ça. À propos de leur enfant, de quoi il s'agit? La réponse, c'est dans 2 minutes sur Énergie. My life. Sur le papier, j'avoue, c'était surprenant. Mélanger Pitbull et Bon Jovi. Oui. Et ben, et en fait, ça marche, quoi. C'était ambitieux. Prochaine étape, Booba et Chantal Goya. Ça se tente. 6h12, soyez les bienvenus, c'est jeudi. On est avec vous pour démarrer cette journée. C'est Manu dans le 6-10. Soul King et Gims avec Karaoke, c'est dans 3 minutes. Et tout de suite, voici comme chaque matin, les sondages du matin. 5% des parents ont déjà oublié ça. C'est à propos de leur enfant. Nico. De changer une couche. C'est pas ça, Salomé. À quelle heure ils terminent l'école ? Non plus, Lorenza. C'est une date précise ? Ce n'est pas une date qu'ils ont oubliée, mais c'est quelque chose par rapport à leur enfant. Est-ce que c'est l'emmener à un endroit précis ? Non, ils l'emmènent nulle part. 5% des parents ont déjà oublié ça. Ils ont oublié son âge ? Ils n'ont pas oublié son âge, mais on approche. C'est vraiment quelque chose de enfants ? C'est l'enfant, oui. Ah oui, ça, oui, oui. C'est ça, on peut pas dire que c'est pas l'enfant, ça, c'est vraiment l'enfant. C'est pas le prénom ? C'est le prénom. Oh, le prénom ! 5% des parents ont déjà oublié le prénom de leur enfant. C'est chaud. C'est compliqué. Bon, à ce moment-là, tu dis mon petit cœur, mon petit chéri et tout, et puis ça passe et ça te revient plus tard, quoi. Attends, mais ça te revient plus tard. C'est ton enfant. Mais si ça te revient pas. on change. Écoute. Tu vas fouiller pour trouver sa carte d'identité. Nous sommes 60% à ne pas connaître ce numéro par cœur. Quel est ce numéro, Nico ? Celui des pompiers. C'est pas les pompiers. Notre téléphone portable. Non plus, c'est pas un numéro de téléphone. C'est Lorenza. Un code ? C'est pas un code non plus. Est-ce que c'est lié à une adresse ? Ça n'a rien à voir avec l'adresse. Le numéro de carte bleue ? Non, on en a tous un. C'est en rapport avec une personne ? Ah, c'est en rapport avec toi. Nous sommes 60% à ne pas connaître ce numéro par cœur et c'est un numéro qui a un rapport avec soi-même. La sécu ? Le numéro de sécu. De sécurité sociale. J'avoue, je ne connais pas du tout mon numéro de sécurité sociale. Moi, j'ai fait cet effort pour l'apprendre par cœur et depuis, quand tu remplis les feuilles de soins, bah, tu gagnes un temps fou. Tu remplis encore des feuilles de soins, toi ? Bah oui, il y a plein de médecins qui ne font pas le transfert automatiquement et qui me donnent des feuilles de soins à remplir, envoyées à la sécu, là. Échange de médecin parce que là, ils vivent en 1847, hein, les médecins. Que veux-tu que je te dise ? Pour moi, c'est pratique. 81% des gens estiment que c'est la profession en qui ils ont le plus confiance. Nico. Politique ? C'est... Oh non, j'ai tenté. Non, 81% des gens, Salomé. Avocat. C'est pas avocat. Lorenza. Il y a un uniforme ? C'est pas un uniforme, mais oui, il y a un... Oui, il y a un habit. Chef. Chef. Cuisinier ? Ouais. Non, c'est pas ça. Non. Est-ce que c'est de la médecine ? C'est totalement médical. Lorenza. Bah, un médecin. C'est pas le médecin. Ton ostéo ? C'est pas l'ostéo. Non, c'est pas un médecin. T'as dit infirmière ? Infirmier. Infirmière, c'est ça. Ah. 81% des gens estiment que c'est le métier en qui ils ont plus confiance. Et si tu t'es déjà retrouvé un jour à l'hôpital, c'est clairement sur l'infirmière que tout repose. Ouais. Parce que le médecin, il passe rapidement, il t'explique, il pose 2-3 trucs, 2-3 questions, 2 machins, il se barre. T'as rien compris, tu sais pas ce qui se passe, t'es seul dans ta chambre, et là, elle arrive. C'est l'infirmière. Alors, elle connaît moins de choses que le médecin, oui, forcément. Ah, oui. Mais tu l'écoutes et elle te rassure. Et tout ce qu'elle dit, tu le prends comme si c'était ta maman qui t'expliquait les choses. Mais dès l'école déjà, quand t'allais voir à l'infirmerie à l'école, tu vois, ils te filaient quand t'avais mal à un truc, c'était de l'eau avec du sucre. C'est gentil. Ah, oui. C'est ça. Exactement. C'est cool quoi qu'il arrive. On a confiance dans les infirmières. 6h14, les sondages du matin, on aura d'autres demain à la même heure évidemment. Soul King et Gims avec Karaoke, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Manu dans le 6-10 sur Énergie. Qui écoute Manu? Breath, though I'm in the Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside, with all the cards we were dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest, and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray, we'll be singing bye-bye, yeah. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray, we'll be singing bye-bye, yeah. Till nobody's in need of the love. La la la la la la la. Salut, c'est Mathieu Bédini, Mister France 2025. Je vais vous révéler un secret. Si j'ai tenté de devenir Mister France, c'était dans un seul but. Pouvoir faire un jingle dans l'émission de Manu sur Énergie. Mon rêve est enfin réalisé. Merci Manu. Manu dans le 6-10 sur Énergie. C'est le nouveau Mister France. On en parle un petit peu moins que Miss France, mais quand même quoi. Je l'ai vu, il est pas comme nous. Ouais. 6h18, Soul King et Gims sur Énergie. Carré, ok, juste après on vous prend au téléphone. On juge les gens, c'est pas bien. Mais on le fait tous. Sur quoi vous jugez les gens? 0 870 42 48. C'est juste après Soul King et Gims. La façon de s'y prendre, j'ai pas 10 000 options. Donc je casse tout maintenant, je disparais un moment. Je suis devant ma zé intérieur blanc. La bouteille pèse une tonne, je bois même pas de toute façon. Et tu dégages une aura qui fait des dégâts. L'impression qu'on se connaît déjà. Les meufs du carré au pied, que des méchants garçons au pied. Elle médite, elle se dit ça y est, il est temps de se caser. Carré au pied, méchants garçons au pied. Elle se dit ça y est, il est temps de se caser. Garçon au pied, elle médite, elle se dit ça y est, il est temps de se caser. Carré au pied, méchant garçon au pied, elle se dit ça y est, il est temps de se caser. Elle a mis les meufs du carré au pied, que des méchants garçons au pied. Elle médite, elle se dit ça y est, il est temps de se caser. Carré au pied, méchants garçons au pied. Elle se dit ça y est, il est temps de se caser. 6h21, bienvenue sur Énergie. On démarre cette journée ensemble. On est jeudi et on est avec vous. C'est parti, on juge les gens ce matin. Sur quoi vous jugez les gens? On sait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas bien, on le fait pas. Mais on le fait quand même. Sur quoi est-ce que vous jugez les gens? 0 870 42 48. On n'aime pas quand on se fait juger, on aime bien juger les autres. Marina est là, bonjour Maria. Bonjour Manu, bonjour les Wawin. Bienvenue sur Énergie Marina, sur quoi Merci. Tu juges les autres? Alors moi je juge très très fort les gens qui mangent les petits suisses avec le papier. Avec le papier? Oui. Des gens qui mangent le papier tu veux dire? Non, ils laissent le papier dans le pot et mangent les petits suisses comme ça. Ah oui d'accord, je vois ce que tu veux dire. Hein? Toi tu prends, tu le vides et tu le mets dans une assiette et t'enlèves le papier, c'est ça? C'est ça, je galère beaucoup, mais je fais ça. Ah oui, tu galères beaucoup, Marina. C'est un Koh-Lanta quand même que tu pars. C'est de l'aventure. J'avoue que moi, au début, quand j'étais petit, j'aimais bien enlever le papier, mais j'en mettais partout dans les mains. Ouais. Et puis le petit Suisse, maintenant, enfin, une bouchée, c'est fini, quoi. Ouais, c'est qu'on le gobe. Ouais, en c'est vrai. Ça. C'est tout petit. Donc bon, Lorenza. Mais qui mange encore des petits Suisses? Enfin, moi, c'est bon les petits suisses avec de la confiture, dis donc. Ah bon? Ok. Bah oui. Stop. Je propose qu'on ne se lance pas dans cette discussion. Cette discussion va emmerder tout le monde. Je propose qu'on ne se lance pas dedans. Merci d'avoir arrêté ça. Il n'y a pas de mal. Mais je suis là aussi. Je suis un garde-fou de cette émission. Vrai, oui. Des fois, ça peut partir dans une discussion. On sait que cette discussion ne mènera à rien. Ouais. Je propose de l'arrêter tout de suite. Bien joué. Mais merci Marina de nous avoir appelés. On te souhaite une belle journée. Sur quoi vous jugez les gens, Salomé? Je juge les gens qui ont des canapés en cuir. Je comprends pas, c'est froid l'hiver et ça colle aux fesses l'été. C'est absolument pas confortable. Le ça colle aux fesses l'été, je le vois très bien. Bah oui, ah ouais. Ça colle aux cuisses là. Ouais, ouais. Quand t'arrives, tu sors de la piscine, t'as séché un peu, il fait chaud, hop, tu te poses sur le canapé. Si jamais il a pris le soleil, bah il est méga chaud. Mais oui. Et ça fait comme du velcro avec ta peau, après ça fait crrr, comme ça. Non, effectivement, il y a un petit côté. Et puis ça glisse. Ah oui, tu peux pas te caler. On va pas se mentir, ça coûte une blinde en plus. En plus. Donc le bon vieux canapé en tissu. Alors qu'un bon canapé en velours côtelé. Non. Évidemment. Pénélope est là, bonjour Pénélope. Bonjour. Bienvenue sur Énergie. Pénélope, sur quoi tu juges les gens? Les ongles qui font 3 mètres de long. Les faux ongles? Oui. Ah, bah, Lorenza, tu en as parlé des nouveaux? Ouais, mais là, je me sens toute nue parce qu'ils sont pas là, mais j'ai pris rendez-vous tout à l'heure. Parce que tu vas refaire comme la dernière fois? Ouais. Parce que la dernière fois, elle a vraiment des ongles. Je prie pour que tu n'aies pas à te gratter les fesses, quoi. J'espère surtout que je n'ai pas trop élégant, mais. Ah, Pénélope? C'est ce que je me dis. Je me dis, comment font ces personnes-là avec leurs. Enfin, ne serait-ce moi avec des ongles normaux, les enfants se plaignent que des fois je les griffe, donc je plains les enfants. Enfin, Alors, Lorenza n'a pas d'enfant, donc elle s'en fout. Mais tu nous avais dit quand même que t'aimais ça, les ongles longs, oui. Mais ça, c'était compliqué pour écrire sur le téléphone. L'ordinateur, c'est un enfer. Mais tu continues à le faire quand même. Ben, je trouve mes leggings et tout, mais je m'en fous. Enfin, je blesse les gens, c'est vrai. Mais je me dis, c'est parfait, même pour faire des papouilles aux gens, on n'en pense pas assez. Et en plus de ça, ben, je trouve ça trop joli. Et là, je te dis, j'ai l'impression d'avoir les mains toutes nues, j'aime pas du tout. T'as la folle des papouilles. Si vous voyez une nana courir dans la rue en disant, je vais vous faire des papouilles, je vais vous faire des papouilles. C'est Lorenza avec ses ongles longs. Merci Pénélope de nous avoir appelés. Merci, au revoir. Belle journée à toi. Sur quoi vous jugez les gens? On peut continuer encore un peu, vous pouvez nous appeler 0 870 42 48. On va revenir tout de suite avec Elena. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Avec Mauvais Garçon. Et on va vous offrir une PS5. La PlayStation 5 Slim, elle est pour vous. On joue dans un peu plus de 10 minutes. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour jouer avec nous. 0 870 42 48, comme chaque matin, on joue. À tout de suite. Manu dans le 6-10. Sur Énergie, tous les matins. C'est fou, c'est fou, c'est fou, comme ça me fait du bien. Sur Énergie. 16h, 19h sur Énergie, c'est Camille Combal. Laurine essaie de deviner ça, il fait plus de 30 cm et à la surprise de tous, il a été aperçu au Auchan de Calais ce week-end. Alors, est-ce que c'est un oiseau? C'est pas mon mari, c'est sûr. Le nouveau rendez-vous de l'après-midi, Camille Combal. 16h, 19h, tous les jours sur Énergie. Prolongation exceptionnelle. Disney Plus est à 1,99€ par mois pendant 12 mois sans engagement. Découvrez de nouvelles séries comme Daredevil Born Again. Offre valable jusqu'au 3 février sur Standard avec pub. Résiliation possible à la fin de chaque mois. Voir conditions sur disneyplus.com. Peugeot. Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot, leader de l'électrique et également disponible en thermique. Avec ses 20 systèmes d'aide à la conduite et sa modularité exceptionnelle, vous ferez à coup sûr à vos clients une deuxième bonne impression. En ce moment, profitez de jusqu'à 10 000 euros d'avantages clients sur nos utilitaires. Offre valable pour toute commande d'un utilitaire neuf réservé aux professionnels jusqu'au 31 mars. Conditions sur Peugeot.fr. Source 3A. L'appli 1820 des Échos. Plus on l'ouvre, moins on dit de bêtises. Des décryptages, des contenus personnalisés et des surprises. Retrouvez le meilleur des Échos, sélectionné par la rédaction, chaque soir dès 18h dans l'appli. Désormais, votre happy hour, c'est l'appli hour. Téléchargez l'appli Les Échos pour prendre un temps d'avance. Plus que quelques jours pour vivre toute la magie du rendez-vous Air France. Wow. Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde. Par exemple, Dubaï, à partir de 579 euros au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Acheté jusqu'au 30 janvier 2025, tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 3 mars au 6 avril et du 8 septembre au 12 octobre 2025. Cofidis présente projet numéro 10, faire des plans sur la comète. Vous attendez que toutes les étoiles soient alignées pour réaliser vos projets? Avec Cofidis, on a plus simple pour préparer l'avenir. Comme le prêt personnel à taux exceptionnel jusqu'au 10 février. C'est pendant deux semaines seulement, alors rendez-vous vite sur cofidis.fr. Cofidis, le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation. Vous voulez encore plus de Camille Combal sur Énergie? Écoutez-le en podcast sur l'appli Énergie. Téléchargez-la maintenant. Elle est gratuite et sans abonnement. Chez Poltrone Sofa, double solde pour doubles économies. Trouvez les canapés de vos rêves avec les doubles soldes. Doubles économies sur la collection infinie. 50% de remise plus 20% supplémentaire. Mais tout ça se termine mardi 4 février. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin. Leclerc, bonjour. Dites, je comprends que votre promo vous en fassiez tout un fromage. Vous parlez des moins 60% sur les mentales râpées président? Oui, c'est dingue. On peut faire des gratins, des pâtes au fromage, des gougères. Et bien plus encore. Jusqu'au 8 février chez Leclerc, pour l'achat d'un pack de 3 sachets fraîcheurs d'emmental râpé fondant président, le deuxième est à moins 60%, soit 1,03€. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 8,57€ le kilo, origine France, 29% de matière grasse, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alors c'est l'histoire d'un Belge qui rencontre un Suédois, qui rencontre un Italien, qui rencontre un Croate, qui rencontre un Danois, qui rencontre un Français, qui rencontre un Espagnol, qui rencontre un Hollandais, qui rencontre un Portugais, qui rencontre un Allemand. Vivez la 8e et dernière journée de l'UEFA Europa League. Avec ce soir à 21h, Lyon-Lido-Goretz sur Canal+, et Nice-Bodo-Glimt sur Canal+ Foot. Retrouvez l'intégralité de l'UEFA Europa League sur Canal+ Live. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Chez Action, nous avons des prix extrêmement bas. Comme par exemple, une corbeille Curver Asperotin en plastique recyclé pour seulement 3,99€. Quoi? C'est vraiment pas cher. Ou encore 3 blocs WC Bref pour seulement 3,11€. Attends, il y a tout ça chez Action? Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou sur l'appli. Action, petit prix, grand sourire. Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot i208 100% électrique. Là, vous pensez, pas mal. Mais si en plus, je vous dis que c'est vous qui pourriez être à son volant, pour 24 000 euros seulement, et en payant chaque kilomètre 3 fois moins cher qu'avec une version essence, là, vous pensez que c'est LE moment de passer à l'électrique. Exemple pour l'achat d'une Peugeot i208 style neuf hors option. Bonus écologique de 4 000 euros déduit et 8 ans de garantie à l'URCAR inclus. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer. IKEA. Bon, pour la nouvelle cuisine, pile on prend le four, face on prend le lave-vaisselle. Ok, lance ta pièce. À nous là ? Allez, dis-moi ! Four ! Yes ! Oui ! Pourquoi choisir ? Jusqu'au 11 mars, pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 3000 euros, bénéficiez de 400 euros de réduction immédiate sur vos électroménagers avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Manu dans le 6-10, 6h-10h sur Énergie. Il est 6h30, on va vous offrir une PlayStation 5 après Elena. Vous nous appelez au 0870 42 48 et tout de suite les infos. Toute l'actu avec Sébastien Loff-Lecoq. Bonjour, la Bretagne encore sous la pluie ce matin. On a des averses aussi de l'est au bord de la Méditerranée jusqu'au sud-ouest. De la neige sur les sommets à partir de 1300 mètres. Ça s'arrange cet après-midi dans l'ouest avec le retour d'éclaircies. Sur l'est, ça reste humide et gris. Les températures 3 à 6 pour les minis jusqu'à 12 en Provence. Les maxi 9 à Avranches, 10 à La Rochelle, 12 à Auxerre, 15 degrés pour Béziers. Le soulagement des supporters du PSG. Les footballeurs parisiens ont battu Stuttgart 4-1 hier en clôture de la phase de groupe de Ligue des Champions. Ils rejoignent en barrage Brest, défait 3-0 par le Real Madrid de Kylian Mbappé et Monaco qui s'est incliné sur le même score face à l'Inter Milan. Lille de son côté est directement qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire 6-1 sur le Feyenoord Rotterdam. On a du hand ce soir au Mondial en Croatie. La France affronte le Pays Hôte à 21h pour une place en finale. Le point sur les inondations dans l'Ouest, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique reste en rouge pour crue. Le pic, notamment dans la zone de Redon au sud de Rennes, n'est toujours pas atteint. Plus de 1000 personnes ont dû être évacuées depuis dimanche. Attention aussi aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, le Calvados ainsi que la Somme en vigilance orange. De nouvelles libérations d'otages au Proche-Orient. Selon l'État hébreu, le Hamas pourrait relâcher 8 personnes aujourd'hui. Des Israéliens, dont 2 femmes et un vieux monsieur de 80 ans, ainsi que des ressortissants thaïlandais. 3 hommes devraient, eux, retrouver la liberté samedi. Toujours à l'étranger, le crash d'un avion de ligne aux États-Unis. L'appareil avec 60 passagers et 4 membres d'équipage a percuté cette nuit un hélicoptère militaire en entraînement dans le ciel de Washington. Aucun bilan de l'accident n'a été communiqué par les autorités US. La prime à l'humour à Angoulême, l'illustratrice et autrice Anouk Ricard, reine de l'absurde, a reçu le grand prix du Festival international de la BD. Ses histoires mettent le plus souvent en scène des animaux, en particulier des grenouilles, un animal qui la fascine. Elle est la 5e femme récompensée depuis le lancement de ce prix il y a plus de 50 ans. Il y a eu le carton minimum ça, Dr Yaro contre Nouvel Exploit avec son nouveau single Simba, et le rappeur de 25 ans ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ces deux morceaux sont extraits d'un album en préparation. Comme Simba. Je dirais pas qu'un album est en préparation, mais un projet sûrement. Ouais. Je dis sûrement, mais en fait, il est déjà dans mon téléphone. En fait. Dans ces deux singles que j'ai sortis, on retrouve l'ADN de Dr Yaro, le côté afro qui est très important pour moi, qui va pas bouger. Mais il y a des milliards de formes d'afro, et moi, c'est ça que je veux aller explorer. Avec des sujets plus ou moins sérieux, des fois, bien sûr, faut pas se prendre la tête, faut juste danser, juste ambiancer. Et des fois, faut envoyer des messages. La musique, pour moi, c'est ça. C'est vraiment passer des messages quand il faut, et des fois, laisser aller, même si ça n'a pas forcément de sens, tant que les gens captent l'énergie du son. Bon réveil avec énergie. Et 33 minutes, soyez les bienvenus, c'est jeudi, on est le 30 janvier et on va vous offrir une PlayStation 5 Slim. Comme chaque matin, on joue dans un peu plus de 5 minutes, vers 6h40. Cette PS5, elle est pour vous, vous nous appelez au 0870 42 48. Ce matin, on va jouer à Qu'est-ce qu'il y a dans la popoche à Manu. Ah ouais, cool. trop bien. J'ai quelque chose dans ma poche et je l'ai déjà dans ma poche. Ah. Déjà là ? Il faudra deviner en 2 minutes ce qu'il y a dans ma poche et vous jouerez tous avec la personne qui sera là au téléphone. À vous quatre, vous devrez trouver en 2 minutes ce qu'il y a dans ma popoche. Vous nous appelez au 0870 42 48. Avant ça, j'ai un sujet à vous proposer. Est-ce que vous êtes déjà allé à un endroit ? Ça peut être en vacances par exemple ou un événement. Vous êtes revenu avec un souvenir mais qui n'est pas un souvenir. Vous êtes revenu avec un objet, avec quelque chose que vous avez ramené d'un endroit, mais c'est pas vraiment un souvenir. C'est pas une carte postale, genre. Non, exactement. C'est pas un truc, c'est pas un thermomètre que vous ramenez avec la marmotte du ski, par exemple. C'est pas une boule à neige. Ah, ouais. Non, c'est un truc que, vraiment que vous avez ramené de l'endroit. Je vous pose cette question hier. Je faisais un peu de rangement et pour la millième fois, je n'ai pas jeté un truc que j'avais gardé. Et j'en ai 3. C'est des bières en plastique de matchs de foot. Vous savez, c'est des verres en plastique en fait qui sont consignés. Ah ouais, les gobelets là. Et les gobelets en plastique. Et en fait, si tu le rends pas, tu perds la consigne. Mm. Et si tu le rends, tu récupères la consigne. Et ben je les rends pas et ça me fait des souvenirs. Oui, très bien. Et donc c'est des trucs de matchs de foot, genre j'en ai un d'une Ligue des Champions d'il y a 15 ans. Je m'en sers jamais. Je bois jamais dedans. Tu vois, c'est bizarre, tu vas pas offrir à des gens un verre dedans. Mais c'est, voilà, c'est un souvenir qui est pas vraiment un souvenir, mais je le garde de cet endroit et ça me rappelle cet endroit. Vous voyez le principe ? Ouais, très bien. Voilà ma question. Nico ? Moi, c'est le même univers. Moi, j'étais à New York il y a 10 ans et j'ai ramené, tu sais, j'ai mangé chez Five Guys, tu vois, la chaîne de fast-food. Ouais. Et j'avais ramené le papier dans lequel mon hamburger était. Ah, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. C'est ça. Il n'y avait pas, donc je l'avais ramené. Il avait un peu de valeur pour moi. Puis, force est de constater que Five Guys est arrivé en France. Ah ouais. Et ils ont les mêmes papiers. Voilà, donc j'ai un papier chez moi qui pourrait être un papier d'ici, quoi. J'avais fait la même chose. J'étais allé à New York aussi. Ouais. Et j'avais ramené un pull Gap. Ah mais oui, mais Gap n'existait pas forcément en France à l'époque. C'était hyper à la mode. D'ailleurs, je crois que ça n'existe même plus, Gap. Ouais, ils ont fermé. Ouais. Ah ouais, bon, okay. Et ben à l'époque, genre, c'était incroyable. Ouais, on a acheté un truc Gap à New York qu'il n'y avait pas en France. Et j'étais rentré en disant, j'ai un pull Gap. Pas mal. La classe. C'est, voilà. Et un mois plus tard, ouverture parisienne. Ouais. Magasin Gap. Ouais, je disais, j'en ai eu un avant, quoi. Quel est l'objet, souvenir, mais pas vraiment souvenir, que vous avez gardé dans l'endroit? Appelez-nous au 0870 42 48. Elena, tout de suite, avec Mauvais Garçon. Et juste après, on a une PS5 à vous offrir. Mauvais Garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle, comme ça que je sais rien. Qu'il est jamais haut avec moi. Mauvais Garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux. Mais les oiseaux, eux, sont libres. Son amour est une prison. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec Mauvais Garçon. Faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête de voir Mauvais Garçon. Mauvais Garçon tient les fils. C'est moi le. Un jour sur deux, il est mignon. Un jour sur deux, il est pire qu'un mauvais garçon, je les tire. Et moi, j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête. Il est 6h38. Putain, je regardais l'heure et je voyais le 8 de 38. J'ai tout mélangé, ça fait 8h36. C'est de la merde. Il est 6h38. C'est bon, putain, j'ai réussi à lire l'heure. Je suis content. MC Miller, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Mais avant ça, comme chaque matin, on va jouer ensemble. Et on a ce matin Florent. Bonjour Florent. Salut à toute l'équipe. Florent, j'ai pour toi une PlayStation 5. Ouh, comme tu l'as. La PlayStation 5 Slim, elle est peut-être pour toi. Ce matin, on va jouer à. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche à Manu? J'ai quelque chose dans ma poche. Je l'ai depuis 10 minutes dans ma poche. J'ai bien vu que vous essayez de regarder sous la table. Ouais. Ce qu'il y avait dans ma... Non, ah, pas vous de regardez, triche ici. Vous ne regardez pas. Voici le principe de ce jeu, Florent. Tu ne seras pas seul. Tu vas être aidé de tous les ouin-ouins, Salomé, Nico et Lorenza. Vous allez devoir découvrir ce que j'ai dans ma poche en 2 minutes chrono. Si c'est le cas, tu repars avec ta PlayStation 5 Slim. Chacun votre tour, les ouin-ouins et toi, vous avez le droit de poser une question. Je ne peux répondre que par oui ou par non. Vous pouvez donner autant de propositions que vous voulez. Vous pouvez donner autant de questions que vous voulez. Juste le truc, n'oubliez pas, je ne réponds que par oui ou par non. Okay. Vous avez 2 minutes pour faire gagner à Florent une PlayStation 5 Slim. Attention, c'est parti. Salomé. Est-ce que c'est en papier? Ce n'est pas en papier. C'est électronique? Ce n'est pas du tout électronique. Lorenza? Est-ce que ça peut s'attacher aux clés? Non, absolument pas. Florent? Est-ce que c'est un objet de la bureautique? Ce n'est pas de la bureautique. Ça coûte plus de 10 euros? Oh non, pas du tout. Non. Est-ce que ça se mange? En soi, ce que j'ai dans ma poche ne se mange pas. En soi. Ah. Ah, mais tu l'utilises pour manger? Pas pour manger, mais on l'utilise, oui. Ça fait partie d'un autre objet ou pas? Non, non, mais on s'en sert avec un autre objet. Obligatoirement. Ouais. Est-ce que c'est genre un fil dentaire, un truc pour les dents? Non, absolument pas. Est-ce que c'est pour le médical, pour le quotidien? Non. C'est plus gros qu'une pièce? Oui. Est-ce que c'est un emballage? Il y a un emballage. Ah. Oui, oui, oui, oui. Mais ce n'est pas que un emballage. Ce n'est pas un paquet de bonbons. Effectivement, comme un paquet de bonbons, il y a l'emballage et quelque chose dedans. Il reste une minute. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Rien à voir. Est-ce que c'est électronique ? Non, tu l'as dit. Non, c'est pas électronique. Est-ce que c'est du thé ? Ce n'est pas du thé. Ah, mais c'est un rapport avec le thé ? Ce n'est pas du thé. Est-ce que c'est du café ? Oui. C'est une capsule. C'est une capsule de presse. Ça fait 20 minutes que je vais me faire un café, il n'y a plus de capsule. C'est toi qui l'as. Je suis désolé, je vais rendre les capsules. C'est une capsule de café. Ah, pas mal. Bravo, putain. Ah, vous avez bien. Je vais devoir compliquer les choses parce que franchement, vous trouvez. Fort, hein. C'était dur là. Vous trouvez. Ouais, mais vous avez trouvé quoi. Bravo, Florent. Eh ben, cette PlayStation 5 Slim, elle est pour toi, bravo. Ouais. Il est content, Florent. Ah, c'est trop chouette. Ah bah ouais, carrément. Ouais. Tu peux. La PS5, elle est pour toi. Bravo. Ah bah super. Franchement, merci à tous. Merci à l'équipe. Vous êtes incroyables. Je vous écoute tous les matins. C'est incroyable. On a l'impression que Florent vient de recevoir un Oscar. Franchement, c'est un Oscar et une PS5. Elle choisit la PS5. Belle journée à toi, Florent. Merci d'avoir été avec nous. Il est 6h41. MC Ménor tout de suite. Et juste après, on vous prend au téléphone au 0870-42-48 pour partager avec nous vos souvenirs, mais qui ne sont pas vraiment des souvenirs. Vous avez été à un endroit, peut-être en vacances, à un événement, vous avez ramené quelque chose, mais ce n'est pas un souvenir classique. Qu'est-ce que c'est et quel était l'événement, l'endroit ? On vous prend au téléphone dans 3 minutes sur Énergie. Qui est sa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver. Ela, que mexeu com o menor, o vilão. Folga de Camaro, tem grife, mas cara, robô nem se fala. Me apaixonou. Merci d'être là, c'est Manu dans le 6-10. On va écouter Ria avec Believe. Et puis à 7h05, pour la première fois de la matinée, on va doubler votre salaire. Vous vous inscrivez, vous envoyez salaire par SMS au 7-10-12. C'est peut-être votre téléphone qui va sonner dans 20 minutes. Avant ça, on raconte des objets qu'on a ramenés d'endroits. En général, on part en vacances, on ramène toujours quelque chose. C'est souvent des souvenirs avant de partir, même parfois à l'aéroport. On ramène un souvenir, un bracelet, une connerie, un truc. Mais parfois, on ramène aussi des souvenirs qui ne sont pas vraiment des vrais souvenirs, mais c'est des objets et qui ont une valeur sentimentale pour nous. Qu'est-ce que vous avez déjà ramené d'un endroit, des vacances, d'un événement? 0 870 42 48, on va vous prendre au téléphone. Avant ça, petit tour du studio, Lorenza. J'ai gardé l'allume-cigare de mon van que j'avais en Australie. C'est précis, ça. Oh. Et en fait, le pire, c'est qu'on l'avait perdu, on l'a cherché partout pour le revendre. Et pour le revendre fait, pour revendre le van avec l'allume-cigare. Ah, parce que... ah oui, parce qu'en fait, t'étais parti en Australie. Ouais, et en fait, le système, c'est tu t'achètes un van ouais, c'est ça. Et tu le revends quand tu pars. Exactement. D'accord. Et en fait, bah, on l'a cherché partout. Et je l'ai retrouvé genre quand j'étais rentrée dans une poche de jean et c'est devenu un porte-bonheur et je l'ai depuis 2015. Mais tu veux dire que vous avez réussi à vendre le van sans l'allume-cigare? C'est fou, hein. Quelqu'un a pris le van? Ouais, quelqu'un a pris et on l'a revendu plus cher. Non. Ouais, sans l'allume-cigare. Vous avez vendu le van plus cher que ce que vous l'avez acheté? Et franchement, ça, je peux dire que je suis fière. Hein. Sans allume-cigare. Et sans allume-cigare. Mais c'est incroyable. C'est fou. mais c'est le. Toi, t'es une businesswoman. Bah, franchement, ouais. Ah ouais. Vivant une émission capitale sur Lorenza dans quelques années, comment elle a fait fortune. Tout viendrait d'une énorme arnaque à l'allume-cigare. Questionnée par notre équipe, elle a refusé de parler. En caméra cachée, tu la vois. Hey, c'est bon, lâchez-moi maintenant. C'est bon. Capital, cette semaine, Lorenza, la chute d'un empire. On a Célia avec nous au téléphone. Bonjour Célia. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Célia. Quel est l'objet que tu as conservé de vacances, d'un endroit où tu étais, mais qui n'est pas un souvenir classique? Moi, en fait, j'ai ramené une pomme de pin de l'île Maurice. Ah, ok. C'est pas un truc spécialement, on se dit, tiens, je vais ramener de l'île Maurice une pomme de pin, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle m'est tombée sur la tête. Je me promenais, je regardais un peu des boutiques, enfin des petits trucs de bord de plage, quoi. Et elle m'est tombée sur la tête, mais d'une violence. J'ai cru que ça allait m'assommer. Ah, d'accord. C'est une grosse pomme de pin. Ah ouais, non, mais elles sont grosses là-bas. Je pensais pas que ça pouvait... qu'il pouvait y avoir ça, en fait. Et du coup, je l'ai ramené, je me suis dit, l'anecdote est marrante, quoi. Il n'y a pas tout le monde à qui ça arrive. Non, en effet. Tu te rends compte, cette histoire qui est incroyable. Ça fait combien d'années? Ça fait bien 6 ans maintenant. Il y a 6 ans. Regarde, ça s'appelle le destin. Et tout ça t'a mené jusqu'à 12 maintenant, c'est bien. C'est ça. C'est fou, hein. Tu te rends compte? Ce petit truc qui a fait que boum, boum, boum, boum, boum, boum. Et tu l'as toujours, cette pomme de pin? Oui, elle a fait boum comme sur ma tête. Mais quelle belle histoire, Célia. On t'embrasse et on te souhaite une belle journée. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Salomé? Moi, j'ai ramené un petit sachet de médicaments d'un voyage à Tokyo. Et c'est un petit sachet avec de la poudre dedans et je l'ai depuis 18 ans. Parce que quand je suis arrivée au Japon, j'étais hyper malade et je le garde parce qu'il m'a permis de guérir et de profiter de mon voyage. Je sais pas ce qu'il y a dedans, hein. C'est écrit en japonais. Mais c'était pourquoi la poudre? C'était pour me soigner. J'avais des gens là-bas qui avaient été à la pharmacie, qui m'avaient ramené ces sachets de poudre. Et tu te rappelles de ce que t'avais? J'étais mal, j'arrivais pas à manger, j'avais la nausée non-stop. C'était atroce. Tu vas voir qu'elle va se faire arrêter à la douane. C'est médicament. Un sachet de poudre. Vous n'avez rien que les gens vous ont mis dans vos bagages? Non, je crois pas, non. Vous allez nous suivre en prison. C'était très efficace, hein. Parce que là, vous avez quand même. Vous dites que c'est des médicaments, il y en a quand même pour 6 kilos de poudre, là. Manuela est là. Bonjour, Manuela. Bonjour Manu, bonjour les Wawouins. Bienvenue parmi nous Manuela, quel est le souvenir, pas vraiment souvenir, que t'as ramené d'un endroit ou de vacances? Alors moi j'ai gardé le bracelet lumineux de ma première soirée de célibataire après 5 ans de couple et il fonctionne encore. Attends, après 5 ans de couple, t'étais en couple et t'es allée à une soirée, c'était ta première soirée en tant que célibataire et il y avait un bracelet lumineux. Mais c'était un bracelet lumineux. Et en fait, les couleurs voulaient dire quelque chose. Soit t'étais en rouge, ça veut dire que t'étais en couple. Soit t'étais en orange, ça veut dire que c'était compliqué. Soit t'étais couleur vert, et ça veut dire que t'étais célibataire. Ah, c'est des soirées organisées. Voilà, c'est ça. D'accord, parce que je comprenais pas le bracelet lumineux, tout ça. Donc c'est des soirées, d'accord, où avec le bracelet, on sait qui est célibataire, etc. Exactement. Et ça fait 5 ans, il fonctionne encore, le bracelet? Alors j'ai changé les piles, mais aujourd'hui, il fonctionne encore, et c'est mon fils qui l'utilise. D'accord. Et t'es toujours célibataire? Non. Sinon, à un moment, il faut lâcher le bracelet quand même. Il doit tellement flipper quand elle sort le bracelet. Quelle couleur? Eh bien, écoute, et c'est ton souvenir à toi? C'est ça. D'accord. Et tu ressors en soirée comme ça, de temps en temps, ou? Non, je laisse à mon fils, il le garde plutôt pour la nuit quand il a peur ou autre, donc ça me fait un d'accord. Oh, c'est merveilleux, il savait. Et vérifie quand même si ton mec part pas en soirée avec des fois. Parce que les couleurs ont pas changé. Je veux pas foutre la merde, hein, bon. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Manuela. Merci à vous. On te souhaite une belle journée. Il est 6h50, comme chaque matin, on démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 6-10. À 7h05, on va doubler votre salaire pour la première fois de la matinée. Ça peut vous arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous envoyez salaire par SMS au 7-10-12. C'est énergie. Bienvenue sur LRJ, David Guetta, Joey doit te filer, c'est ce que je vais vous jouer dans le quart d'heure qui arrive. Je vais doubler votre salaire à 7h05 pour la première fois de la matinée. On est avec vous, on démarre cette journée ensemble. Comme chaque jour, c'est jeudi, soyez les bienvenus parmi nous. On va parler des Césars maintenant. Ah. Hier ont été dévoilées les nominations des Césars 2025. Je ne sais pas quand c'est, les Césars d'ailleurs. Oh, je sais pas non plus. Bon, ok, personne ne sait. Ok. Bon. Oh, yes. Alors, il y a le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney qui est nommé 14 fois au César. Mais wow. C'est hyper mérité, je l'ai vu. Alors, il est un peu long, mais tout le monde est fabuleux dedans, quoi. Je suis très contente pour eux. L'Amour Ouf est nommé 13 fois. Mm-hmm. J'ai pas vu L'Amour Ouf. J'ai pas vu Le Comte de Monte Cristo. Ouais, si, c'est bien L'Amour Ouf aussi. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Je suis allée le voir au cinéma. Oh. Emilia Pérez est nommée 12 fois. Ouais. Tu l'as vu aussi? Non, je l'ai pas vu. J'adore les comédies musicales, mais les chansons, elles ont l'air bizarres. Bah quand même, 12 fois, hein. Lorenza? Bah ma meilleure pote l'a vu et ça fait genre 2 semaines qu'elle arrête pas de me dire qu'il faut le voir, qu'il faut le voir, qu'il faut le voir, parce qu'apparemment c'est le film de l'année, il est incroyable. C'est ce qu'on vient de faire depuis 1 minute 30 là, environ. La pire critique cinéma qu'on puisse faire dans une émission de radio. C'est un enfer. On se croirait une soirée, t'as vu ça? Non. Mais là, on n'est pas une soirée, on a une fin de soirée. Ouais. Où on est dans un début de dating. Et tu vas absolument essayer de lancer un sujet, mais en fait, tu vois que le sujet fait chier tout le monde. Et t'es là, tu fais ok, comment je vais m'en sortir? Je vais passer à une autre info. Sur une plage du Danemark, il y a une découverte scientifique extrêmement importante qui vient d'être faite. Ça peut paraître bizarre, mais pourtant, c'est incroyable. C'est un fossile, mais pas n'importe quel fossile. Un fossile qui date de 66 millions d'années. Et ce fossile, c'est un morceau de vomi. Oh. Oui, mais ça peut paraître bizarre. Mais c'est-à-dire que grâce à ce fossile de morceau de vomi, on va peut-être pouvoir faire des découvertes sur ce qu'il mangeait. Ah, par exemple, il date de 66 millions d'années et les experts vont tenter d'analyser, évidemment, d'où vient ce vomi et puis de qui. J'espère qu'ils vont pas être déçus, qu'ils vont pas dire en fait c'est tequila. Voilà, les shots de tequila pas. Les dinosaures adoraient la tequila. Les dinosaures ne buvaient pas de tequila. En revanche, 66 millions d'années, vomi, j'ai ma petite idée. Elle avait un goût prononcé pour la fête, elle l'a toujours. Hein. Non, je l'ai pas vu venir. Ah ouais, pas mal. Non mais un verre de trop et c'est vite arrivé, même il y a 66 millions d'années. Ah, il est beau celui-là. Tout est prétexte. Bravo. C'est Madonna. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. 6h55, on revient tout de suite. Manu dans le 6-10. 6h10, ouais, c'est Manu sur Énergie. 6h10, c'est Manu et tous ses wouwou. Énergie. Découvrez tous les nouveaux hits tous les jours sur Énergie. He said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up on the beat. Numéro 1 sur les nouveaux hits. My life. C'est Énergie. Vous donnez tout pour votre entreprise. Jusqu'au 28 février, Opel vous le rend bien. Avec Opel Combo, Vivaro et Movano, offrez-vous le meilleur de la modularité et de la technologie. En ce moment, Opel vous offre jusqu'à 8000 euros de remise exceptionnelle. Rendez-vous en concession pour découvrir la gamme utilitaire Opel, également disponible en 100% électrique. Jusqu'à 8000 euros de remise pour Vivaro électrique. Offre non cumulable à particuliers et professionnels pour l'achat d'un utilitaire Opel jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Voir détails en concession. Plus que quelques jours pour vivre toute la magie du rendez-vous Air France. Wow. Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde. Par exemple, Abidjan, à partir de 599 euros au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Acheté jusqu'au 30 janvier 2025, tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 3 mars au 6 avril 2025. Pourquoi foncer chez Castorama spécialement ce week-end? Parce que quand on a l'esprit Castor, on adore faire le plein de bonnes affaires. Du 31 janvier au 4 février, pendant les 5 jours fidélité, profitez de remises exclusives. Moins 20% sur la salle de bain des 700 euros d'achat, meubles, vasques, douches, robinetterie. Et moins 20% aussi sur la cuisine des 1500 euros d'achat, meubles, plan de travail et même l'électroménager. Et oui, moins 20%. Mais après le 4 février, c'est fini. Voir conditions en magasin ou sur castorama.fr. En ce moment chez Citroën, pour la gamme utilitaire électrique, c'est l'opération l'essayer c'est... Je prends. Non, l'essayer c'est... C'est bon, je suis convaincu. Non, l'essayer c'est... Je repars avec. Ah bah moi aussi. C'est l'opération l'essayer, c'est l'adopter. Ah, c'est ça. Pas compliqué. Sur nos utilitaires électriques, disponibles immédiatement jusqu'à 10 700 euros hors taxes d'avantage client. Alors un berlingot pour moi. Do it jumpy par ici. On se calme, il y en aura pour tout. Citroën. Remise sur le prix d'un utilitaire Citroën e-jumper des 56 400 euros hors taxe. Offre professionnelle non cumulable pour toute commande passée avant le 28 février 2025. Détails sur citroën.fr. Quelle couleur ? Vous voulez encore plus de Camille Combal sur Énergie ? Écoutez-le en podcast sur l'appli Énergie. Téléchargez-la maintenant. Elle est gratuite et sans abonnement. Loïc est un plombier sympa qui, dans son métier, n'est jamais à court de bons tuyaux. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas boire la tasse avec son budget qu'il ne voit pas grand pour son fourgon. Loïc peut enfin se jeter à l'eau avec Nouveau Doblo. Un volume utile jusqu'à 4,4 mètres cubes et surtout un prix malin à partir de 16 950 euros hors taxe. Si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon, avec son réseau dédié, Fiat Professionnel est la solution. Découvrez aussi Nouveau e-Doblo 100% électrique, 100% économique. Offre pour Doblo 110 chevaux valable professionnel dans le réseau participant jusqu'au 31 janvier. Détails sur fiatprofessionnel.fr. Fiat Professionnel. Professionnel comme vous. Alors c'est l'histoire d'un Belge qui rencontre un Suédois, qui rencontre un Italien, qui rencontre un Croate, qui rencontre un Danois, qui rencontre un Français, qui rencontre un Espagnol, qui rencontre un Hollandais, qui rencontre un Portugais, qui rencontre un Allemand. Vivez la 8e et dernière journée de l'UEFA Europa League. Avec ce soir à 21h, Lyon-Lido-Goretz sur Canal+, et Nice-Bodo-Glimt sur Canal+ Foot. Retrouvez l'intégralité de l'UEFA Europa League sur Canal+ Live. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Pour savoir si c'est le bon moment pour vos fruits et légumes, le plus simple, c'est de venir chez Biocoop. Si c'est en rayon, c'est que c'est la saison. Chez Biocoop, vous ne trouverez que des fruits et légumes 100% bio et 100% de saison. Parce que consommer de saison, c'est respecter la nature. Et le vrai goût des produits. Et du 30 janvier au 3 février inclus, les kiwis verts sont au prix engagé de 2,50€ le lot de 5 ou 5€ le kilo. Biocoop, du bon sens et rien d'autre. Opération valable dans les magasins Biocoop participants. Dernier jour pour profiter des soldes de Conforama. Profitez de jusqu'à moins 70% sur les meubles, la déco, la literie et l'électroménager. Alors rendez-vous vite en magasin et sur le site. Conforama, selon date des soldes et dans la limite des stocks, voir conditions sur conforama.fr. Le petit sac, c'est pour moi. Manteau bottes, c'est pour moi. Joyeux anniversaire, moi. Mais c'est pas ton anniversaire. Oui, mais en ce moment et jusqu'au 4 février, c'est les soldes Zalando jusqu'à moins 70%. Alors j'en profite pour me faire des cadeaux et trouver comment m'habiller sur Zalando. Je vois, donc c'est ton anniversaire tous les jours. Oui, au moins jusqu'au 4 février. Remise valable sur le prix d'origine. Détails de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr. Comment bien choisir l'alimentation de son chien ou de son chat? Les experts Gamme Vert vous conseillent de prendre en compte l'apport en protéines d'origine animale. Et ça tombe bien, car jusqu'à samedi chez Gamme Vert, profitez de moins 40% sur le deuxième produit d'alimentation chien ou chat en magasin et sur gammevert.fr. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Manu dans le 6-10, 6h-10h sur Énergie. Il est 7h, qu'on amène le coq. On va doubler votre salaire dans 5 minutes, il y aura David Guetta, Joey Douet de filet avant 7h30. On est là avec vous comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-10. On démarre cette nouvelle heure avec les infos. Toute l'actu avec Sébastien Loff-Lecoq. Bonjour, encore des averses ce matin sur la Bretagne ainsi que de l'Est au bord de la Méditerranée jusqu'au Sud-Ouest. De la neige sur les sommets à partir de 1300 mètres. Cet après-midi, ça se calme dans l'Ouest avec le retour d'éclaircies. Sur l'Est, ça reste humide et gris. Les températures 3 à 6 pour les minis jusqu'à 12 en Provence. Les maxi, 9 à Cherbourg, 12 à Montélimar, 15 degrés pour Montpellier. Le pic n'est toujours pas atteint. Prudence face aux intempéries en Ille-et-Vilaine, en vigilance rouge pour crues, comme le Morbihan et la Loire-Atlantique. Plus de 1000 personnes ont déjà dû être évacués depuis dimanche, toujours en Bretagne. Il n'y aura aucun train entre Rennes et Nantes, notamment jusqu'à samedi. Attention aussi aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, le Calvados et la Somme en vigilance orange. Qui n'a pas quelqu'un de malade en ce moment dans son entourage? L'épidémie de grippe s'intensifie encore. Toutes les classes d'âge sont touchées, des enfants aux personnes âgées. Les consultations sont en hausse, aussi bien en médecine de ville qu'à l'hôpital, où plus de 18 500 passages aux urgences ont été enregistrés la semaine passée. Tous les clubs français vont au moins en barrage de Ligue des Champions. Ça marche pour le PSG, pour Brest et Monaco. Les footballeurs lillois, eux, ont battu hier le Feyenoord Rotterdam 6-1 et se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les demi-finales du Mondial de hand. La France affronte le pays hôte, la Croatie, ce soir à 21h. Le tournoi destination de rugby commence demain. La France affrontera le Pays de Galles. Sur la feuille de match du 15 tricolore, on retrouve la charnière Dupont-Ntamack. Pour ce qui est d'Hugo Radou et Oscar Jégo, mis en cause dans une affaire de viol en Argentine, ils seront bien là sur le banc. Un chiffre assez hallucinant à l'échelle mondiale. On a passé l'an passé plus de 12 000 milliards de minutes, à mater des programmes en streaming selon une étude. C'est l'équivalent de 23 millions d'années, en progression de 10% par rapport à 2023. Et pour regarder quoi? En tête, c'est une série d'animation australienne pour enfants sur Disney+, suivie de l'increvable Grey's Anatomy. Dans le top 10, on a aussi NCIS, The Big Bang Theory, New York Unité Spéciale ou Esprit Criminel. Un grand concert pour aider les sinistrés des incendies de Los Angeles, le Fire Aid, a lieu la nuit prochaine dans deux enceintes sportives de la Californie, avec sur scène Billie Eilish, Pink, les Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga ou encore Katy Perry. Et c'est une chance supplémentaire pour les fans de Katy Perry de voir leur star en concert en France. Elle sera les 24 octobre, 4 et 5 novembre à l'Accor Arena à Paris et désormais aussi à la LDLC Arena à Lyon le 7 novembre, toujours avec énergie. Il y a des préventes depuis hier, la billetterie sinon ouvre demain à 10h. C'est Manu dans le 6-10. Très bon réveil à tous avec énergie. Et on est avec vous comme chaque matin, 7h03, soyez les bienvenus. Votre téléphone va peut-être sonner dans même pas 2 minutes. Il va peut-être sonner parce qu'on va vous annoncer qu'on vous double votre salaire et pour que ça vous arrive, vous envoyez salaire par SMS au 7-10-12 tous les jours, deux fois par jour à 7h05 et 8h05, on vous double votre salaire. David Guetta, Joey Douet de filet, ça va... Bah, je vais vous les jouer avant 7h30, on aura le temps. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on est à Valmorel. Ouais. À partir de lundi jusqu'à vendredi, du 3 au 7 février. La semaine prochaine, on va faire tous les matins l'émission en direct de la station ski de Valmorel et en public. Ça fait maintenant quelques années qu'on fait ça. Deux fois par an, une fois en hiver, une fois en été, on part et on part vous rencontrer. Et pendant une semaine, on va vous faire vivre évidemment tout ce qui va se passer. On va être en coloc. Ouais. On sera, ouais. Donc on va vous faire vivre nos moments de coloc, hein, évidemment. Les joies et les problèmes de la coloc, les soucis de la coloc. On a prévu plein de trucs, des photos, des vidéos. tout le temps, 24h sur 24. On va vous faire vivre cette semaine comme si vous étiez avec nous. Et puis si vous avez envie d'être vraiment avec nous, vous le pouvez, puisque tous les matins, on fera l'émission en public dans une grande salle où on pourra accueillir 200 personnes chaque matin. C'est pas loin de Chambéry, c'est à 1h de Chambéry, Valmorel, c'est à 1h30 de Grenoble, c'est à 30 minutes d'Albertville, c'est à 2h de Lyon, c'est à 2h de Genève. Vous êtes Suisse, vous êtes les bienvenus. On nous écoute à Genève. Oui. N'hésitez pas, venez nous voir. C'est aussi pour ça qu'on le fait, pour vous rencontrer. Et puis vous passerez un bon moment pendant 4 heures, parce qu'en plus, on vous offre le petit déjeuner. Allez. Pour vous inscrire, ça se passe sur manudans610.com et l'appli manudans610. Et je crois que c'est bloqué, c'est jeudi. On va recevoir Elena. Mmh. Oh, c'est trop bien. Jeudi, la semaine prochaine, Elena, de la Starac, quoi. Ouais. Elena, elle sera avec nous pendant je ne sais pas trop combien de temps, on verra. Et elle sera avec nous, et puis vous pourrez la rencontrer parce que vous pourrez venir dans le public. Qui a entendu qu'on offrait le petit-déj, et c'est pour ça qu'elle vient, justement. Tous les gens qu'on invite, à chaque fois, on les soudoie avec soit le petit-déj, soit. Enfin, non, que le petit-déj, en fait. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur l'application Manu dans le 610 ou sur le site manudans610.com et elle chantera en direct évidemment jeudi, Elena. Ça va être super. On va passer une semaine incroyable, on sera avec vous, c'est du 3 au 7 février, ça commence dès lundi matin. 7h05, c'est parti, on double votre salaire. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Vous envoyez salaire par SMS au 7-10-12 et tous les matins, deux fois par jour, 7h05 et 8h05, on vous appelle. Attention, pour la première fois de la matinée, le téléphone sonne. Allô. Allô, bonjour, c'est Floriane de Lunel dans l'Hérault. Oui. Floriane, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Oui, c'est moi. Ouais. Floriane, j'ai l'impression que tu peux pas crier, tu peux pas parler fort, non? Si, je peux, c'est juste que je suis... voilà. D'accord, t'es un peu pas trop réveillée. Aussi. D'accord. Eh ben c'est pas grave, parce que je t'appelle ce matin pour t'annoncer qu'on va te doubler ton salaire. Tu t'es inscrite, t'as eu raison, t'as pris ta chance. Le résultat, c'est que ton salaire de 1508 € mensuels net, on va te le doubler. 3016 €, ça arrive pour toi. Super, merci. Eh mignonne Floriane. Tu es assistante de production web. Oui, c'est ça. C'est quoi? En fait, je travaille pour un site de vente privée sportive et du coup, je m'occupe de faire la description des fiches produits. C'est genre comme VIP, mais que pour le sport? Un peu, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Salomé? Alors, pardon, mais l'info la plus importante sur les fiches produits des pantalons de sport, elle est jamais indiquée. À quand? C'est quoi? À quand la mention « fait des belles fesses » sur les pantalons de leggings? Tu sais, ça aiderait à choisir. Je vais le soumettre, bonne idée. Mais c'est pas magique, hein, je crois, non, le truc. C'est si De non quoi? C'est-à-dire que les leggings font pas forcément des belles fesses à toutes les personnes, je veux dire. Non, mais t'as des leggings qui vraiment sont plus gracieux que d'autres, quoi. T'en as où t'es vraiment dégueulasse dedans. C'est 100% pour moi. Mais non, le legging, c'est, je sais pas, il y a un truc. Il y a différents leggings. Ah, il y a vraiment des beaux leggings. T'as même des leggings qui font comme si t'avais un string intégré pour faire comme si t'avais des grosses fesses, je te jure. Wow, c'est hyper beau. Ah non, non. Ça me dépasse, j'avoue. Et mais du coup, Floriane, ça veut dire que t'as les bons plans avant tout le monde, toi? Oui, un petit peu, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et tu peux en profiter du coup? Alors, avant tout le monde, non, mais je peux en profiter comme vous. Ouais, mais dès que c'est mis en ligne, tu le sais quoi, toi? Ah oui, oui, oui. Oh. Et c'est quand les meilleures réductions? Il y a toujours un moment ou pas? Il faut que tu viennes voir sur notre site, Manu. Allez, bien joué. Elle est là, Floriane. Il va craquer pour un petit legging. Quand même. C'est vrai que j'avoue que le petit legging, il donne envie. Alors... pour aller à mon yoga. Floriane, on te double ton salaire. 3016 €, ça va arriver très vite pour toi. Super, merci beaucoup. Merci à vous, passez une belle journée. Eh bah toi aussi, on t'embrasse fort et ça peut vous arriver vous aussi. Tous les matins, on vous double votre salaire. Vous envoyez salaire par SMS au 7-10-12, 7h08. David Guetta tout de suite et juste après, comme chaque matin, on a des bonnes nouvelles pour vous. Les bonnes nouvelles du jour arrivent dans 2 minutes sur Énergie. 7h11. Et ben on est là, comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-10. On va écouter Joe et Dwayne filer dans 3 minutes. Et on est jeudi, ça veut dire qu'on va vous donner des conseils. Peut-être pas les meilleurs conseils du monde, mais ils sont gratuits. Ne dépensez pas votre argent. Vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Vous nous appelez au 0870 42 48. Et comme chaque jeudi, on va vous donner des conseils gratuits. Tout de suite. Ça fait du bien. Voici les bonnes nouvelles du jour. Comme chaque matin, on a des bonnes nouvelles à vous donner. Tour du studio, les bonnes nouvelles. Allez, Lorenza. On ne sait jamais à quelle heure ni quel jour on doit aller faire les courses pour être sûr qu'il n'y a pas trop de monde, tu vois. Mais t'as tout à fait raison. C'est, vrai. C'est un gros problème mais du quotidien. Sûr. Mais exactement, et on ne sait pas à quelle heure. On le sait maintenant. Non. Parce qu'il y a une étude qui a révélé que c'était le mercredi après-midi, entre 14h et 17h, où il y aurait le moins de monde. Oh. Et ben, j'aurais pas parié là-dessus. Et ben, moi non plus, jamais. Parce que je me serais dit, les enfants, ils n'ont pas à l'école, donc ils sont à la maison, les parents s'en occupent, hop, ils vont faire les courses pour en profiter. Et les enfants sont contents d'être dans le supermarché, comme ça ils sont perdus et ensuite on fait un appel micro. Voilà ma théorie. En tout cas, après cette info, ça va être blindé le mercredi après-midi, entre 14 et 17. Voilà. C'est dur quand t'annonces un bon plan, ça devient un mauvais plan après. C'est en fait. Ça. Forcément, puisque tout le monde le suit. Mais merci en tout cas de nous l'avoir. Avec plaisir. Donc c'est encore possible jusqu'à. Bah non, c'est trop tard, on est jeudi, c'est bon. Les bonnes nouvelles, Salomé. Dans le Nord, l'abbé Sébastien, après ses services à l'église, tient une baraque à frites. Attends, c'est génial. C'est improbable. Parce que grâce à sa baraque à frites, il emploie des jeunes. Et en plus, les gens qui sont seuls ont un lieu de rencontre chaque jour pour parler. C'est marrant. C'est le service après la messe, on sert des frites quoi. Mais je trouve ça marrant, rigolo. La messe, elle doit être courte. Hein. Allez, dépêchez-vous, il y a des frites. En fait, la messe, c'est juste, ils vont ses frites. Et je vous rappelle tout à l'heure que je vous vendrai des frites qui ne sont pas chères. Et d'ailleurs, c'est pas les hosties, hein, c'est les frites, qui, bien sûr. Les bonnes nouvelles, Nico. La marque Swipe It va changer notre vie. Swipe It, je connais pas. C'est une boîte américaine qui vient de sortir un objet qui ressemble à un toaster et qui recharge nos téléphones en 2 secondes chrono. 2 secondes ? 2 secondes. Ouf. Tu rentres le téléphone dedans, tu le ressors 2 secondes après, il est chargé à entre 80 et 100%. Et comme un toaster, il a le goût du brûlé. Mais ça existe vraiment ? Là, pour l'instant, c'est en précommande. Et le seul truc, c'est que c'est au prix de 400 euros. 400 balles ? 400 balles. Wow. Pour l'instant, ça va évoluer, j'imagine. C'est cher. Ouais, c'est comme tout, faut attendre. Exactement. Là, c'est le prototype. Oui. Voilà. Mais après, une fois que ça va sortir, ben, tout le monde va le copier. 2 secondes, c'est pas mal. Et puis voilà, il sortait mieux, on en aura un 8 euros. Attendez un peu. C'est 7h13, les bonnes nouvelles du jour. Il y en aura d'autres, évidemment, demain à la même heure. Joey doit te filer. C'est dans 3 minutes. Merci d'être là, c'est Énergie. Manu dans le 6-10. Et Manu, notre copain, il est ouin ouin. Énergie. Music only. Losing my mind, over shadows and gravity. Salut, c'est Patrick Hernandez. Oui, Patrick Hernandez, le vrai. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-10 sur Énergie. Le vrai Manu. On a un jingle de Patrick Hernandez qui est mieux que nous, quoi. Alors, Born to be alive, tout le monde connaît ça, tout le monde a été à un mariage. Et évidemment, tout le monde a dansé avec Tonton qui s'éclate et qui met sa cravate sur le front quand il y a Born to be alive. 7h17, Joël doit filer sur Énergie. Juste après, on est jeudi, on vous donne des conseils, des conseils gratuits du jeudi. Si vous en avez besoin, eh ben vous nous appelez, on vous prend téléphone dans 2 minutes sur Énergie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4matic. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Si comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai le tal, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. J'ai nous sous sa campé. Da, da, da. Bamele, bamele. Da, da, da. Full BBL, baby. Da, da, da. Bamele, bamele. Da, da, da. J'ai nous sous sa campé. Ça plus les compteurs. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats. Allez, trop de talent. Depuis le vent de rose, il y a trop de talent. Le spéné m'a dit je t'aime, mais c'est trop marrant. Si cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. La, la, la. Yo, Judas. Si comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Baby, j'ai le temps, vini. Vini, vini, pas timide. Drive en Lamborghini. J'ai nous sous sa campé. Bamele, bamele. Full BBL, baby. Bamele, bamele. J'ai nous sous sa campé. Vini, da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. J'ai nous sous sa campé. Da, da, da. Bamele, bamele. Da, da, da. Full BBL, baby. Da, da, da. Bamele, bamele. Da, da, da. J'ai nous sous sa campé. Da, da, da. Bienvenue sur Énergie, il est 7h20 et on démarre la journée ensemble. Stromae et Pomme. Avec ma meilleure ennemie, ce sera après les infos de 7h30. Et on est jeudi. Et tous les jeudis, on vous donne des conseils. Peut-être pas les meilleurs conseils du monde. Mais ils sont. Mais ils ont... Oh là là. Non, sont pas trop non plus. De temps en temps, on tape dans le 1000, oui, dans le 100, enfin dans le 10. Enfin, dans... Bref, on est nus aux fléchettes. Mais bon. Quelle est la décision que vous avez à prendre, le choix que vous avez à faire en ce moment? Eh ben, on va vous aider, on va vous donner des conseils. On a Laurette qui est là. Bonjour Laurette. Salut Manu, salut toute l'équipe. C'est la première, t'es la première ce matin à bénéficier des conseils gratuits du jeudi. On t'écoute. Alors en fait, moi j'ai une bonne pote qui recherche un travail et mon entreprise recrute et elle recherche quelqu'un qui a son profil. Du coup, je sais pas si je la recommande pour le poste ou si j'évite vraiment de mélanger amitié et travail. Ah, tu la connais depuis longtemps? Ouais. Genre plusieurs années? Ouais. Et genre vous voyez souvent? Ouais. Et le poste qu'elle aura, c'est hiérarchiquement par rapport à toi, c'est au-dessus ou en dessous? On va dire que c'est à peu près équitable. C'est à peu près équitable. Mais vous allez. C'est-à-dire qu'elle va devoir faire des choses pour toi ou tu devras faire des choses pour elle? On travaille en équipe. Ouais. Ça se passe bien avec l'équipe? Ouais. Le souci, c'est qu'on est beaucoup de nénettes. Ah, et donc? Bah, des fois, entre filles, on n'est pas toujours cool. Ouais, okay. Ça se crêpe le chignon, mais bon. Okay, t'es en train d'essayer de faire en sorte qu'on te dise de pas la prendre parce que t'as pas envie de la prendre. Ben, c'est surtout que j'ai pas envie de me brouiller avec elle. Eh oui. Voilà. Ah, c'est compliqué. Hein. Je sais pas si c'est très moral, mais je te dirais de la prendre parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui t'en doit une. J'ai prévenu dès le début, j'ai dit pas très moral. Celui-là, je l'ai pas vu arriver. Lorenza. Ah ouais, j'allais dire justement, mais, en amitié, je suis hyper fidèle, hyper solidaire et tout, et je ferai tout pour mes amis. Et si c'est une bonne pote et tout, rien que de mieux que de l'avoir en collègue, et puis tu lui donnes un petit coup de pouce et tout, ça va être génial quoi. Ouais, mais d'expérience, là c'est le boomer qui parle. Ouais. En fait, au boulot, les relations ne sont pas comme dans la vraie vie. Avec les amis. Bah, c'est pas que t'es pas le même, c'est que en fait c'est autre chose. D'un coup c'est quand t'es avec un ami, t'es cool, tu discutes, tu papotes comme ça, machin. Sauf que au boulot, si la personne ne fait pas le boulot et que ça te met toi dans la merde, ça va générer des stress, des problèmes comme ça. Ouais, mais c'est un peu égoïste. Sa pote, elle recherche un taf, c'est pile poil son profil. Donc je trouve que c'est normal de l'aider. Tu sais quoi, Laurette, discute-en avec elle. Ah, ça c'est une bonne idée, ouais. Tu vois, comme ça, nous, du coup, on n'a aucune décision c'est à prendre et on n'a aucun conseil. On encore plus dans la merde, quoi. Voilà, exactement. Notre conseil, c'est de pas nous rappeler, voilà. On t'embrasse, Laurette. Merci pour tout, bonne journée. Belle journée à toi. Et Léa est là, bonjour Léa. Salut l'équipe. Bienvenue parmi nous. Et Léa, t'as besoin d'un conseil du jeudi gratuit, on t'écoute. Ouais, exactement. Bah, écoute, ce week-end, je suis invitée à l'anniversaire d'un ami, mais dans la liste d'invités, je ne connais que lui. Ma question, c'est est-ce que j'y vais pour lui, quitte à passer une soirée relou, ou bien je trouve une excuse pour rester tranquillement à la maison. Mais comment ça se fait que tu connais aucun ami d'un ami à toi ? Bah, en fait, tu sais, on a tous plein de groupes d'amis, et là, en fait, il a invité ses groupes d'amis à lui, et on n'a pas forcément d'amis en commun. Oh. Et là, en l'occurrence, je connais personne d'autre que lui. Oh, ça sent mauvais. Lorenza ? Bah, moi, j'ai eu la même chose il n'y a pas longtemps pour une pendaison de crémaillère. Et en fait, j'ai demandé de venir avec ma coloc. Pas con ? Parce que du coup, comme ça, j'étais pas toute seule. Et comme ça, ça me permettait de passer quand même une bonne soirée. Et c'était génial. Mm-hmm. On a dansé jusqu'à 5h du matin. Je me suis fait plein de potes. Et je suis invitée à l'anniversaire d'un d'entre eux la semaine prochaine. Et tout le monde est venu accompagner. Donc, il y avait 200 personnes. Oui, non, mais c'est pas con, Léa. T'as qu'à venir avec quelqu'un. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt une bonne idée, ouais. Non, c'est la première fois qu'on donne un bon conseil. Honnêtement, je me sens bizarre. Écoute, je pense que je vais essayer d'y aller avec une copine, ouais, t'as raison. Eh ben, on t'embrasse, Léa, on te souhaite une belle journée et puis une belle soirée. Merci, gros bisous à vous. Gros bisous, les conseils gratuits du jeudi, on en fera d'autres un peu plus tard dans l'émission. Stromae et Pomme. Ma meilleure ennemie, c'est toi. Avec ma meilleure ennemie, c'est juste après les infos de 7h30. Et puis on va jouer au jeu des 5 mots, évidemment, comme chaque jour, vers 7h40. C'est dans 15 minutes, on va vous offrir 1000 euros cash, comme tous les matins cette semaine. A tout de suite. Manu dans le 6-10. Manu, c'est Manu. Manu, c'est Sur Énergie. Gagnez votre PS5 Slim. Énergie. Dès que vous entendez le double hit Énergie. Avec un hit de Sabrina Carpenter et de Gracie Abrams à la suite. Appelez Énergie 3937. Énergie. It's music only. Plus que quelques jours pour vivre toute la magie du rendez-vous Air France. Wow. Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde. Par exemple, Montréal, à partir de 399 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Achetez jusqu'au 30 janvier 2025, tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 3 mars au 30 mars 2025. IKEA. Bon, pour la nouvelle cuisine, pile on prend le four, face on prend le lave-vaisselle. Ok, lance ta pièce. À nous là ! Allez, dis-moi ! Four ! Yes ! Oui ! Pourquoi choisir ? Jusqu'au 11 mars, pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 3 000 €, bénéficiez de 400 € de réduction immédiate sur vos électroménagers avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Cofidis présente projet numéro 10, faire des plans sur la comète. Vous attendez que toutes les étoiles soient alignées pour réaliser vos projets ? Avec Cofidis, on a plus simple pour préparer l'avenir. Comme le prêt personnel à taux exceptionnel jusqu'au 10 février. C'est pendant 2 semaines seulement. Alors rendez-vous vite sur Cofidis.fr. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.

triste défaite 3-0 par le Real Madrid de Kylian Mbappé et Monaco qui s'est incliné sur le même score face à l'Inter Milan. Lille de son côté directement qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire 6-1 sur le Feyenoord Rotterdam. Un match de la finale au Mondial de hand en Croatie, la France affronte le pays hôte en demi ce soir à 21h. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique restent en rouge pour cru. Le point sur les inondations dans l'ouest, le pic notamment dans la zone de Redon au sud de Rennes n'est toujours pas atteint. Plus de 1000 personnes ont déjà dû être évacuées depuis dimanche. Attention aussi aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, le Calvados ainsi que dans la Somme en vigilance orange. Aucun bilan n'est pour l'heure disponible pour cet accident. D'importantes recherches sont en cours suite au crash d'un avion de ligne aux États-Unis. L'appareil transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage. Il a percuté cette nuit un hélicoptère militaire en entraînement dans le ciel de Washington. Une bande-annonce intense pour Sinner, c'est un film d'horreur US avec Michael B. Jordan dans le rôle de jumeaux de retour dans leur ville natale et qui sont poursuivis par une puissance maléfique. Ça sort au ciné le 16 avril. Le box-office en France avec le biopic de Robbie Williams, Better Man en salle avec Energy qui arrive quatrième des films les plus vus la semaine passée. Il est précédé du drame français Jouer avec le feu, troisième, de la comédie Un ours dans le Jura, toujours deuxième, et de l'indétrônable Mufasa. Comme s'il avait prévu le carton Mufasa, après son hit Minimum ça, le rappeur Dr. Yaro a sorti il y a quelques semaines un single inspiré de l'univers Disney. Son titre Simba fait clairement référence au héros du dessin animé Le Roi Lion. Bah bien sûr, c'est même la raison du titre, j'ai pas sorti ça au hasard. C'est l'occasion un peu de faire un petit clin d'œil à notre enfance. Arriver en prince comme Simba, c'est très simple, c'est dans le comportement en fait. Tout est dans l'attitude, t'es obligé d'imposer un charisme, quelque chose comme ça. Tu t'en fous du jugement des autres, de quoi que ce soit, comme Simba. Ça peut être une petite disquette pour draguer. Hein. Après, les gens ils utilisent mon son comme ils veulent, mais la petite est matrixée et tout ça, les paroles, elles parlent d'elles-mêmes un peu. Hein. C'est vraiment un titre en fait qui, c'est de l'ambiance, mais à côté, ça parle soit de comportement, d'arriver en prince, en charisme et tout. Soit d'une histoire d'amour aussi, il y a ces deux sujets-là qui sont ensemble. Bon réveil avec énergie. Eh ben c'est nous, il est 7h33, bienvenue sur Énergie, c'est jeudi, on est le 30 janvier et on est avec vous comme chaque matin pour démarrer cette journée avec les mois du matin. Salomé est là. Salut. Nico aussi. Jour bon. Jour bon. Eh ben ouais. Bah, on le dit jamais en verlan. Alors, c'est vrai. Alors on le dit jamais en verlan, enfin, on le disait beaucoup à une époque, c'était en 1992. Ah ouais, je suis peut-être boomer. Il y a pas de mal. Y a pas de mal, tranquille, bien. Wesh. Wesh. C'est gênant. Lorenza. Oh, c'était gênant depuis le début. Ouais. Lorenza est là, évidemment, comme ben chaque ouais, jour. Kikou. Mais Kikou, à toi aussi. Ah, il l'a dit. Ah, mais tu sais, mais j'ai abandonné avec toi. Le Kikou, putain. Tu sais que moi, je suis assez vieux pour me rappeler du moment où le Kikou était vraiment hype. Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a eu un vrai moment où les gens qui disaient coucou, c'était la classe? Et je me rappelle, je jouais en ligne à des jeux vidéo à l'époque et les gens disaient Kikou ouais. Et on se disait Kikou, ouais. Mais très sérieusement, c'est premier degré. Ça paraît absurde aujourd'hui, mais à l'époque, tu disais Kikou et c'était top. Et tu te dis, c'est une nouvelle façon de dire bonjour, on va plus jamais dire bonjour, quoi. Mais, ça va être Kikou, Kikou tout le temps. À l'époque, tout le monde disait Kikou. Ouais. Et quand on te disait Kikou, t'avais l'impression, bah, tu pèses. Est-ce que les hommes politiques entre eux se disaient Kikou? Oh ouais. Mais peut-être, peut-être. Cool. Et pour dire au revoir, tu disais bisous avec un Z. Ah ouais? Attends, moi j'ai pas eu ça. Vous moi. Le faisiez ah pas ça? Ah non, moi j'avais le big bisou bien baveux. Ah ouais, aussi. Tu te souviens de ça? Le big bisou, non, j'avais pas big ça. Big bisou bien baveux. Ah non, j'avais pas. Ouais. Non, moi j'ai resté sur le Kikou. Il est 7h35. On va vous offrir 1000 euros cash dans 2 minutes, juste après Stromae et Pomme. On joue au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots, c'est grâce. À notre ami maintenant, Daniel Moquet. Daniel Moquet, les spécialistes des aménagements extérieurs. Nettoyer la terrasse au Karcher, les élagages, la tombe de pelouse, tout ça sont des paysagistes incroyables. Je ne sais pas, très honnêtement, comment ils sont arrivés en se disant, tiens, on va faire un truc dans l'émission de Manu. Ouais. Parce qu'on ne parle jamais d'élagage dans l'émission. Non. Mais ils sont là, Daniel Moquet. Et lundi, je me rappelle, je disais, mais est-ce qu'il y a un vrai Daniel Moquet? Oui. Est-ce qu'il existe vraiment? Et on l'a eu hier au téléphone. C'était incroyable. Si vous n'avez pas vu ça, mais c'était un moment bouleversant. Daniel Moquet, je ne savais pas qu'il agit là, mais on l'a eu au téléphone. Ouais. Si vous avez loupé ça, allez voir, allez écouter, c'est dans les podcasts de l'émission, c'est sur manudans610.com, sur energie.fr ou sur l'application manudans610. Avant tout ça, ChatGPT, je pense que vous connaissez. Oui. Et il y a une question qui a été posée. Est-ce que ChatGPT consomme de l'énergie? Ah tiens. Est-ce que ChatGPT est écolo quand on l'utilise? Il y a une étude française qui a fait le calcul. Une seule question posée à l'intelligence artificielle revient à laisser la lumière allumée plusieurs heures. Non. Autant ? Ça consomme autant d'énergie. Ah merde. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, quand tu discutes avec ChatGPT, quelqu'un peut dire « Wow ! Pas Versailles ici !» Voilà. Et il met ça en tête. 7h36. Stromae et pommes. Et juste après, on vous offre 1000 euros cash. On joue ensemble au jeu des 5 mots. C'est comme chaque matin. C'est pour vous. C'est énergie. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée. Mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. Arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi, je devrais m'éloigner. Mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi, le pire c'est toi et moi. Mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi, le pire c'est toi et moi. Il est 7h39. Robin Schulz, World Gone Wild, c'est dans 3 minutes pour vous. Et tout de suite, comme chaque matin, on joue au meilleur jeu radio du monde, je le dis, parce que c'est vrai. C'est le jeu des 5 mots et on a Guillaume qui est là avec nous. Bonjour Guillaume. Salut Manu, salut tout le monde. Tu sais ce que tu peux gagner ce matin, Guillaume? Donner la gage. Si tu veux, on peut demander à Daniel Moquet de t'offrir de l'élagage, c'est son métier. Grâce à Dany Nounet, grâce à Daniel Moquet, le spécialiste des aménagements extérieurs. Guillaume, j'ai 1000 euros cash pour toi. Voilà, là, c'est canon ça. Tu pourras faire un poème à Daniel Moquet si tu en as envie après, si tu gagnes ces 1000 euros cash. Tu ne seras pas seul pour tout faire. Pour tout faire pour te les faire gagner ces 1000 euros cash, tu vas jouer ce matin avec Lorenza. Allez, je vais tout donner, Guigui. Tu vas jouer avec Lorenza. Voici les règles du jeu. Elle va sortir du studio. Guillaume, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient en tête. Je fais ensuite la même chose avec Lorenza. Vous avez un mot en commun. C'est gagné à toi les 1000 euros cash. Vive Daniel, il sera heureux pour toi. Ok. Ok, c'est parti. Bonne chance. On joue au jeu des 5 mots. Amélioration. Supérieur. Pont. Voiture. Contrôle. Accès. Sérieux. Timide. Temps. Soleil. On y est arrivé. Guillaume était très concentré. Attention, on va faire maintenant revenir Lorenza. Un mot en commun. Un mot en commun suffit pour gagner. Lorenza est de retour. Je suis là. Attention, on se concentre. Il y a 1000 euros. C'est Daniel qui va les donner si jamais on y arrive. 1000 euros cash, un mot en commun suffit, on y va. Amélioration. Meilleur. C'était pas loin, il avait dit supérieur. Ah. Ouais, ça rime. Et comme c'est pas le jeu de faut que ça rime. Ouais, c'est pas grave. Il reste 4 mots. Pont. Eau. Ah, voiture. Ah. Ben, en fait, la voiture passe sur le pont qui est au-dessus de l'eau. Oui, mais la base du pont, c'est. Bon, c'est. Ça aurait pu être le jeu de qu'est-ce qui se passe entre l'eau et l'eau et la voiture, tu vois, mais c'est pas le. On va changer les règles. C'est pas le jeu, quoi. On continue. Contrôle. Identité. Ah non, il avait dit accès. Ok. On contrôle l'accès. Oui. Et toi, on contrôle l'identité. Ah, ça aurait pu gagner si on avait dit qu'est-ce qu'on peut contrôler. Mais c'est pas le jeu. J'ai un peu peur, là. Il reste deux mots. Sérieux. Professionnel. Ah non. Non, non, il avait dit timide. Ouais, ouais. Professionnel, c'est... quatre syllabes, lui, deux syllabes. Si ça avait été le jeu, deux, je dois donner deux syllabes de plus que toi, le double de syllabes de ta réponse, ça aurait gagné, mais c'est pas ce jeu. Je le sens pas du tout. C'est le jeu des cinq mots. Allez, on y croit. Il reste un mot. Un mot. Allez. Temps. Météo. C'était pas loin. C'était pas loin, il avait dit soleil. Ah ouais, mais bon. Eh oui, mais comme c'est pas c'est pas loin. On est en plein hiver. Pas gagné. Ah bon, on est en plein hiver, mais t'as qu'à l'engueuler aussi. Pardon, désolé. Pardon, Guigui. Guillaume, je suis désolé, c'est pas gagné pour cette fois. C'est pas grave, c'est tellement content de vous avoir au téléphone. Oh putain, t'es mignon, tu mérites un élagage gratos de la patte de Daniel Moquet. On va voir ce qu'on peut faire, franchement. C'est quoi, je vais t'offrir allez, le mug Malu dans le 6-10, ça fait plaisir. Super, merci beaucoup. Je te laisse pas partir tout seul quand même. Et tu nous rappelles quand tu veux, Guillaume, on te souhaite une belle journée. 7h42. Robin Schulz, World Gone Wild, tout de suite pour vous. Merci d'être là, merci de nous avoir choisis pour démarrer votre journée. On est jeudi, c'est le 30 janvier et comme chaque matin, on est avec vous. Bienvenue sur Énergie, les 7h44. Dua Lipa et Pierre Demer avec These Walls. C'est dans 3 minutes pour vous. On démarre cette journée ensemble. C'est Manu dans le 6-10. Et j'ai les nouvelles de Rihanna. Alors ? C'est-à-dire qu'elle donne des nouvelles de temps en temps. Elle sort toujours pas de titre, mais elle donne des nouvelles. Et elle a donné des indications sur ses prochaines chansons. Mmh. On apprend des choses. Je cite Rihanna. Je ne ferai plus jamais de chansons d'amour, c'est ringard. Oh non, on aimait bien ces chansons d'amour. Bah 98% des chansons en général, c'est des chansons d'amour quoi. Oh, oui. Oh là là. Zut. On l'aime pas la Rihanna mature là. Oh là là. En plus, excusez-moi, mais elle parle, elle parle, elle parle, mais on n'entend toujours rien quoi. Bah non. Non, mais il n'y a toujours pas le nouveau son de Rihanna. Y a des promesses, mais pas de concret. Ouais. On dirait une politique. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh. Manu a balancé. Ça va. Oh là là. Manu fait trembler les politiques. Manu n'a pas peur d'attaquer les politiques de front. Trembler les politiques. S'il y a quelqu'un qui dénoncera les magouilles, c'est bien moi. Ouais. Alors. C'est fou. Non, non, mais pas du tout. Non. Non. 7h46, on peut se faire un petit tour du studio. Allez, qu'est-ce que vous avez dans vos cerveaux de ouin-ouin que vous avez envie de partager ce matin avec nous? Allez, tour du studio, Salomé. Est-ce qu'on peut régler, s'il vous plaît, une bonne fois pour toutes, le souci de la cuvette des toilettes qui n'est pas baissée? Les garçons, J'ai été aux toilettes tout à l'heure, la cuvette des toilettes relevée. C'est quand même pas compliqué. T'as été aux toilettes ici, là ? Oui. Bah, vous avez les toilettes de fils, c'est pas notre problème, là. Il y a peut-être un garçon qui utilise cette toilette. Ah, bah alors, ça, c'est nouveau. Et c'est un problème que je retrouve dans mon domicile aussi. Non, attendez, réglez vos problèmes entre vous, là, parce qu'on ne va pas dans les toilettes des filles. C'est ça. Alors, après, le problème de la cuvette des toilettes dans les toilettes chez les gens, par exemple. C'est quoi ? Tu veux que quand nous on a terminé, on fait quoi ? On relève la toilette ? On la baisse ? Bah non, tu la baisses ! On va pas s'asseoir sur le petit rebord tout sale et tout froid là. Il y a une cuvette qui est faite pour ça épouse les fesses là, baissez-la. Et toi, quand tu t'en vas, quand t'as fini, qu'est-ce que tu fais ? Tu la relèves ou tu la laisses ? Mais pourquoi je la relèverais ? Et pourquoi je la rabaisserais ? Mais parce que. Mais. T'abuses ? Bah qu'est-ce que c'est que cet argument ? Vous abusez ? Bah, c'est quoi cet argument ? Tu la relèves pas, pourquoi je la rabaisse ? Ouais, c'est comme le truc du client suivant sur le tapis, tu vois, normal, sur le tapis de course, normalement tu laisses pour le prochain. Mais exactement. Donc tu pourrais le faire. Hein. Tu mets le petit client suivant pour la prochaine personne qui arrive, donc moi, il n'y a pas de problème. Si tu me dis, tu la rabaisses, je la rabaisse. Mmh. Mais tu la relèves. Mais vous aussi, vous vous asseyez sur les toilettes et vous avez besoin de ce petit confort de cuvette. On peut faire jamais. On peut faire pipi debout. C'est le. Oui. Bah voilà. Bah si je fais pipi debout, pourquoi toi je vais faire pipi et pourquoi tu la relèves pas la cuvette ? Donc moi, je dois la relever quand je fais pipi et la rabaisser après. Je fais tout le boulot. Encore une fois, c'est moi qui fais tout. Ah ouais. Vous la, êtes la meuf, zéro effort, quoi. Zéro effort. Elle nous dit tous les jours qu'elle reprend le sport, qu'elle fait des trucs, etc. Mais elle ne veut pas baisser ou relever une lunette. Mais quelle est cette. Mais Lorenza, elle est. Bah non, bah justement, vous abusez de ouf. Nous, on n'a pas que d'être assises. On est d'accord. Mm-hmm. Ouais, c'est vous qui. Vous avez le choix. Et c'est vous, en fait, qui faites chier dès le début à lever. Attends. Désolée, maintenant, vous rabaissez cette planche de toilette et nous, on sera bien tranquilles comme ça. Mais on sera. Bah alors voilà, pour que vous soyez tranquilles. Mais et pourquoi toi. Tu la remontes pas après. Mais pourquoi je dois la lever si moi j'ai besoin que d'être assis ? Ah bah, que j'ai besoin. Et moi j'ai pas besoin que d'être assis, j'ai peut-être besoin d'être debout. Eh ben c'est votre problème, vous la levez vous-même. Mais c'est vous qui faites pipi sur la cuvette, qui nous faites chier avec vos gouttes. Eh ben si tu le relevais, justement, si vous releviez la planche des toilettes, on pisserait pas dessus. Bah pisse assis. Bam. Tu veux combien ? Tu dis tout et son contraire, ça n'a pas de sens. Soit Salomé, est-ce qu'on peut faire un éthylotest à Salomé ? Ça ne veut plus rien dire. Allez, tour du studio, on continue. Nico. Alors je jette peut-être un pavé dans la mare, mais est-ce que je suis le seul à trouver les parapluies nuls aux toilettes? Non, mais je trouve que ça protège éventuellement quand tu bouges pas, tu vois, un parapluie, et encore faut-il que la pluie tombe droit, mais je trouve que dès que tu fais deux pas, bah t'as les jambes mouillées. Alors, je vais dire un truc, je suis un peu d'accord avec toi, ouais. J'aime bien les capuches, mais avoir un parapluie, j'ai l'impression d'être plus intelligent. Ah bon? Ouais, je trouve ça plus. Ça fait plus adulte quand t'as un parapluie. Avant, j'avais honte. J'avais honte. T'avais honte qu'il y avait du parapluie. Ah ouais. Quand j'étais plus jeune. Mais non, quand j'étais plus jeune, je me disais, ça fait vraiment vieux le parapluie. Toi, c'est pour moi, c'est les parents le parapluie. Ouais. Donc je me disais, putain, si je mets un parapluie, c'est la honte, quoi. Je suis cool en capuche. Ouais. Toi, avec mon sweat à capuche, je suis plus cool. Et maintenant, j'avoue que un parapluie, t'es une sorte de protection. D'accord, parapluie, tu t'allumes un cigare. Je bois un bon vieux bonbon. T'es adulte. Lorenza. Je trouve ça donne un côté un peu sexy, un peu mystérieux. Tu vois, enfin, tu te balades avec ton parapluie et puis. T'es prévoyant, tu vois, t'as tout prévu, t'as ton parapluie, t'es pas là à courir sous la pluie comme un con en essayant de t'abriter avec tes mains. Exactement. Enfin, tu vois, t'as tout prévu, donc t'es quelqu'un de bien. Après, c'est toujours le problème, c'est quand t'as ton parapluie, il est trempé, quand t'arrives par exemple à la radio, tu le mets où ce putain de parapluie? Il devrait y avoir des séchoirs à parapluie. Ouais, bien, bah quelqu'un qui bosse là-dedans. Bien sûr, ouais, bien sûr. Il est où le sécheur? Bien sûr, Lorenza. Bah, on va demander ça. Hein. On va faire. On va monter tout à l'heure, on va aller à la direction. On peut proposer. Hein, on peut pas avoir un sécheur à parapluie? Bien sûr. 7h49, Dua Lipa sur NRJ avec Pierre Demar, c'est 10 Walls à 8h05 pour la deuxième fois de la matinée. On va doubler votre salaire, ça peut vous arriver. C'est dans 15 minutes, peut-être que c'est votre téléphone qui va sonner. Vous envoyez salaire par SMS au 7 10 12. Bienvenue, c'est NRJ. mes charmes de nous voir déchirés. Mais encore mon amour, je reviens quand même. Dis-moi que tu m'aimes comme ils font au cinéma. Moi j'attends les beaux jours, mais jamais ils ne viennent dans tes bras. h 53, bienvenue sur LRG. Epsilon avec Every Time We Touch, ça arrive après les infos de 8h. Et puis à 8h05, on va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. J'ai une liste devant les yeux. Si vous arrivez à trouver un des mots, je serai épaté. C'est une liste des parties du corps humain dont en fait on ne connaît pas le nom, mais il y a un vrai nom pour ces parties-là. Ok. La peau qui sépare les deux narines. On a les deux narines, ok. Et au milieu, il y a une peau, quoi. Avec du cartilage. Le nez, exactement. Et bien, la peau qui sépare les deux narines, ça a un nom, ça s'appelle la columelle. La columelle, oh, c'est beau. La columelle. C'est chouette. Exactement. T'as une petite crotte de nez sur la columelle. Voilà. Élégant. Le gros orteil de pied. C'est le pouce de pied, le gros orteil. On dit tous le gros orteil. Il a un nom, Nico. C'est pas l'hallux ou un truc comme ça? Oh, joli. C'est ça, hein. Ouais, H-A-2-L-U-X. Ouais. Ce gros orteil, il a un nom. Ça s'appelle l'hallux. Parce que je crois que t'as, parfois, t'as des gens qui ont un oignon ou je sais pas quoi. Oui, tu vois, sur le côté, ça s'appelle l'hallux valgus, je crois. C'est ça, je me suis renseigné. C'est pas, moi, je l'ai c'est pas. Pour hein, je connaissais quelqu'un qui l'avait. On te juge pas. T'as le droit d'avoir des oignons, des, ce que tu veux, des poireaux aussi. Le coin intérieur de l'œil. Là où il y a un peu les cacas d'œil, vous voyez, le coin intérieur de l'œil, et ben ça a un nom, la caroncule lacrymale. Caroncule. La caroncule, ouais. On dirait une fleur. Ouais, oh, je pensais à autre chose, moi. Faut bien le prononcer, faites attention. La tache claire circulaire située sur la base de l'ongle. Vous voyez, regardez vos ongles. Ouais. Le petit truc blanc, là. À la base, exactement, il y a un petit truc blanc. Nico ? Lunule. Mais comment tu connais tout ça? Je me suis renseigné sur le corps humain un jour. Et il y a des trucs comme ça que j'ai retenu. La lunule, ça s'appelle. Ouais. Mais tous les gens sont mignons. La fossette située au milieu, juste au-dessus de notre lèvre supérieure. Vous savez, t'as la lèvre et entre la lèvre et le nez, au milieu, il y a une sorte de petite fossette. Et bien, ça s'appelle le philtrum. Ok. P-H-I-L-T-R-U-M. Nico, tu le savais pas? Non, je l'avais pas. J'allais inventer. Vous avez tous un coude? Vous en avez plusieurs? Ouais. Ok. Il y a le coude. Et la pliure du coude à l'intérieur. Ah ouais. Ça a un nom. Le pli du coude? Non. Ça a un nom, ça? Ah, je croyais que tu donnais gentiment de trouver le nom. Ça s'appelle le pli du coude. Mais non, c'est pas ça. Génial. Dis donc. Le pli du coude, ça s'appelle la fosse cubitale. Oh. Je trouve ça assez stylé. Ah, c'est pas mal. Ça. La fosse, c'est vraiment, je suis parti à l'aventure dans la fosse cubitale. Je suis resté bloqué 8 jours dans la fosse cubitale, sans manger, sans rien. Et une petite dernière, la partie blanche située à l'extrémité de l'ongle. Ce qu'on coupe ou que l'on ronge. Ouais. Et ben ça a un nom, ça s'appelle le bord libre. Le bord libre. C'est mignon, le bord libre. Moi j'appelle ça la French. La French? Ouais, c'est là-bas que tu fais la French manucure. Ah, pardon, excuse-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon, de ne pas être. Pardon. De ne pas être French manucure. 7h56. Epsilon, avec Every Time We Touch. C'est juste après les infos de 8h. Et à 8h05, on double votre salaire, c'est énergie, bienvenue. Manu dans le 6-10. Dans ma cabane, dans ma forêt, j'écoute Manu, je suis en paix. Énergie. écoutez la radio des DJ Stars. Énergie. Ils sont tous résidents exclusifs le week-end sur Énergie. Dans le show dance numéro 1 en France. Énergie. Énergie Extravadance. Tiesto. Martin Garrix. Armin Van Buren. Afrojack. Dimitri Vegas. Like Mike. Alok. Plaster Jax. Joel Corey. Sotek. Varnik. Gabri Ponte. Steve Aoki. Oliver Heldens. Morgan Nagoya. J-Style. Henri Ska. Extravadance. Yeah. Faux jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir. Se bouquer sur Énergie. Nicolas, 32 ans, ouvrier paysagiste chez Daniel Moquet. J'ai intégré l'entreprise il y a environ 6 ans. Je cherchais une entreprise à taille humaine avec des gens très pros et sympas, avec aussi de vraies perspectives d'évolution. En ce moment, le réseau Daniel Moquet recrute partout en France. Découvrez nos offres sur rejoindre-daniel-moquet.fr. Franchement, j'ai fait le bon choix. À tous ceux qui font leurs courses avec une calculatrice. À ceux qui savent calculer les pourcentages de tête et sans froncer les sourcils, même quand c'est 17%. Et à ceux qui trouveraient ça plus simple sans tous ces 99 centimes. Pour arrêter de calculer, Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Comme la boîte de 12 biscuits tableau d'honneur chocolat au lait Chabrior, une marque Intermarché, à seulement 1,05€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 150 grammes, soit 7€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tous les ans, 300 millions d'euros sont gaspillés par les Français parce que leur compteur électrique est trop puissant. Votre fournisseur n'a rien dit ? Octopus Énergie, si. Vérifiez gratuitement si la puissance de votre compteur correspond à vos besoins sur octopusenergie.fr. Selon une étude interne menée en 2024, voir tous les détails sur octopusenergie.fr/compteur. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire à manger ce soir ? Pomme, pomme, pomme de terre. Pomme, pomme, pomme de terre. Mais ouais, super idée ça. Une salade de pommes de terre au thon mariné. Pomme, pomme, pomme de terre. Pomme, pomme, pomme de terre. Ouh, ça a l'air pas mal du tout ça. Un curry de pommes de terre. Aussi équilibrée que savoureuse, la pomme de terre, c'est la base. Avec les soldes de But, on peut dire que l'année commence bien. Dernière démarque des soldes chez But. En ce moment, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits. Et encore mieux, moins 10% de réduction supplémentaire sur les articles déjà soldés. Dans la limite des stocks disponibles, hors produits concernés en magasin et sur But.fr. Vous voulez encore plus de Camille Combal sur Énergie ? Écoutez-le en podcast. Sur l'appli Énergie. Téléchargez-la maintenant. Elle est gratuite. Et sans abonnement. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Ici, vous pourrez rejoindre Mars en roller coaster ou sauter dans une tornade. Vous glisserez sur d'incroyables toboggans et plongerez dans un parc aquatique aux mille et une couleurs. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience. Bonne nouvelle, jusqu'à 30% de réduction au Futuroscope et à l'Aquascope. Réservez dès maintenant sur futuroscope.com. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher ? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer au meilleur prix des légumes de saison incontournables. Ceux que vous adorez cuisiner en soupe, en tarte ou en gratin. Jusqu'à samedi par exemple, la botte de poireaux de 1 kg est à seulement 1,29€. Oui, 1,29€ le kilo de poireaux cultivés en France. Ça tombe bien, moi je suis un vrai fondu de poireaux. Auchan, le choix, le bon. Origine France, catégorie 1, valable dans vos magasins et drive aux champs participants et en livraison à domicile. Julien est un électricien sympa qui, dans son métier, fait des étincelles. Ce n'est pas parce qu'il est sur un fil en termes de budget qu'il ne voit pas grand pour son fourgon. Alors fini les prises de tête avec nouveau Doblo. Un volume utile jusqu'à 4,4 mètres cubes et surtout un prix malin à partir de 16 950€ hors taxes. Si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon, avec son réseau dédié, Fiat Professionnel est la solution. Découvrez aussi nouveau e-Doblo 100% électrique, 100% économique. Offre pour Doblo 110 chevaux, valable professionnel dans le réseau participants jusqu'au 31 janvier. Détails sur fiatprofessionnel.fr. Fiat Professionnel, professionnel comme vous. Tais-toi la toux ! Tais-toi la toux ! Eh bien Lucas, ça a l'air d'aller mieux ta toux. Oui, qui dit ? Tais-toi la toux ! Du Pédiakid. Grâce aux fibres d'acacia et à la glycérine végétale, Pédiakid toux sèche et grasse calme l'irritation de la gorge et soulage la toux. Avec Pédiakid toux sèche et grasse. Tais-toi la toux ! Pédiakid toux sèche et grasse est un dispositif médical fabriqué par les laboratoires INLDA. Pour plus d'informations, consultez l'étiquetage. Disponible en pharmacie, parapharmacie et sur pédiakid.com. Pédiakid, le réflexe 100% naturel des parents. La Redoute, 6h13. Zoé est dévastée. Elle a raté la fin des soldes. Non ! 6h15. Zoé ouvre les yeux. Ah mais non ! En fait, la fin des soldes, c'est la semaine prochaine. Oh, bon, bah tant mieux, elle peut se recoucher. Plus que quelques jours pour profiter de milliers d'articles mode, maison et déco, jusqu'à moins 50% et moins 10% supplémentaires des 69€ d'achat. La Redoute, vivre le beau. Du 29 janvier au 4 février dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur laredoute.fr. Manu dans le 6-10, 6h-10h sur Énergie. Il est 8h01. And you're listening to Energy. Qu'on amène le coq. On va doubler votre salaire, on va écouter Epsilon, MC Ménor aussi avant 8h30 et tout de suite les infos. Toute l'actu avec Sébastien Loff-Lecoq. Bonjour, encore des averses ce matin sur la Bretagne ainsi que de l'Est au bord de la Méditerranée jusqu'au sud-ouest, de la neige sur les sommets à partir de 1300 mètres. Cet après-midi, ça se calme dans l'Ouest avec le retour d'éclaircies. Sur l'Est, ça reste humide et gris. Les températures 3 à 6 degrés pour les minis jusqu'à 12 en Provence. Les maxi 9 à Cherbourg, 12 à Montélimar, 15 degrés pour Montpellier. Prudence toujours face aux intempéries. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique restent en rouge pour crue. Le pic, notamment dans la zone de Redon au sud de Rennes, n'est toujours pas atteint. Plus de 1000 personnes ont déjà dû être évacuées depuis dimanche. Les trains entre Rennes et Nantes sont à l'arrêt jusqu'à samedi au moins. Attention aussi aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, le Calvados ainsi que la Somme en vigilance orange. Le niveau monte toujours aussi pour la grippe. Elle ne nous lâche pas et l'épidémie hivernale s'intensifie encore. Toutes les classes d'âge sont touchées, des enfants aux personnes âgées. Les Français de 20 ans majoritairement optimistes. C'est le résultat qui fait du bien d'une étude ce matin. Tout n'est pas rose cependant. Ils estiment toutefois que leur voix n'est pas entendue et 82% d'entre eux dénoncent des inégalités omniprésentes, notamment pour ceux qui vivent dans le monde rural. Et le monde du travail, lui, est vu comme une source d'anxiété pour 7 personnes interrogées sur 10. Quant aux études supérieures, elles sont jugées pas accessibles à tous. Direction les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour Lille. Les footballeurs nordistes ont survolé leur match 6-1 face au Feyenoord Rotterdam hier. Le PSG, vainqueur 4-1 à Strasbourg, rejoint Brest et Monaco en barrage. Pour une place en finale du monde de hand, la France affronte le pays hôte, la Croatie, ce soir à 21h. Une petite révolution dans ce que l'on appelle la chronologie des médias. Disney Plus va désormais pouvoir diffuser les films 9 mois après leur sortie en salle, contre 17 jusqu'ici. C'est en échange d'une hausse des investissements de la plateforme de Mickey dans le ciné français et européen. Des films plutôt très populaires mis à l'honneur au César cette année. Le Comte de Monte Cristo arrive en tête des nominations dévoilées hier. Il est cité 14 fois avec notamment Pierre Niney en lice pour le prix du meilleur acteur en concurrence avec François Civil, lui pour L'Amour Ouf, présent dans 13 catégories. Pour compléter le podium, la comédie musicale Emilia Pérez en course pour 12 récompenses. La cérémonie aura lieu le 28 février prochain. Le show des Enfoirés, ce sera début mars sur TF1. Les CD et DVD du spectacle enregistré il y a quelques jours à Montpellier sont déjà dispo en précommande. La vente, sinon, ce sera dès le lendemain de la diffusion télé, avec à chaque fois 17 repas offerts aux bénéficiaires des Restos du Cœur. On se retrouve dans une petite demi-heure pour d'autres infos. D'ici là, c'est le retour de Manu dans le 6-10. Très bon début de journée avec Énergie. C'est nous, comme chaque jour. Eh ben oui, soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-10. On est jeudi, comme chaque matin. Oui, on est avec vous pour démarrer, créer ensemble cette journée. Les moins du matin sont là. Il y a Salomé. Salut. Il y a Nico aussi. Il y a Lorenza qui est au standard. Ouais. On va doubler votre salaire. Dans, bah, c'est quoi, j'ai 8h05, merde, on est en retard. Pourtant, c'est pas notre style d'être en retard, c'est étonnant. Non. Avant d'écouter Epsilon, c'est parti, il est déjà 8h05, c'est le moment de doubler votre salaire. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Tous les jours, deux fois par jour, on vous appelle en direct pour doubler votre salaire. Ça se passe à 7h05 et à 8h05 et il suffit de vous inscrire pour que ça vous arrive. Vous envoyez salaire par SMS au 7 10 12. Attention, le téléphone va sonner, c'est peut-être le vôtre et là, faut décrocher. Allez. Allô? Allô, bonjour, c'est Steve de Saint-Guin en VEP, dans le Nord. Oui, c'est ça. Steve, tellement américain, Steve. Ouais. Quel est le seul animateur radio qui loupe ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et voilà. Ouais, bien. Bravo. Eh ben, Steve, c'est fait, c'est gagné. Ah, trop bien, je suis trop content, merci. Eh ben, tu peux. 1451 € net, c'est ton salaire mensuel. Eh ben, on va le multiplier par deux. Mais on est le 30, donc ça va arriver là, c'est dans deux jours, ah ouais. À la fin du mois. Ton salaire, il va être multiplié par deux. 2902 € pour toi, Steve. Trop bien, merci beaucoup. Tu es fleuriste? C'est ça. Fleuriste dans une petite ouais, chez un fleuriste en fait. En fait, je suis fleuriste mais dans un magasin chez Jardiland. Je suis déjà allé chez Jardiland pour les trucs du potager. Tu fais le potager? Je m'occupe plutôt de la serre chaude, tout ce qui est plantes d'intérieur et puis les fleurs coupées. C'est pas mal, la serre chaude, je vois, c'est un truc où en fait t'as plein de plantes, t'as l'impression un peu de faire rendez-vous en terre inconnue, oui. Avec des plantes dans tous les sens, et c'est moite, donc t'as vraiment l'impression de voyager. Ah, toi, il y a une température, on est d'accord quoi, Steve, c'est pas frais quoi. Voilà, c'est chauffé, on est bien. Ah oui, là t'es bien, oui. T'es le seul fleuriste qui n'est pas avec une petite doudoune sans manches et une petite écharpe et qui a l'air de se peler dans sa boutique. C'est vrai que les fleuristes, souvent, tu rentres, t'as la différence de température entre l'extérieur, même s'il fait froid à l'extérieur et eux. Parce qu'il y a de la flotte aussi, oui, toujours à arroser. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Et effectivement, ils ont souvent des mitaines. Oui, aussi. T'as des mitaines toi-même, Steve? Non, ça va. Des gants, oui, mais pas de mitaines. Oui, mais toi, on rappelle que tu travailles à 45 degrés. Donc, c'est ça. Évidemment. Lorenza? Est-ce que vous le prenez mal quand on compose nous-mêmes le bouquet? Parce que ma coloc, elle le fait, et moi, j'étais trop gênée, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on trouvait les bouquets déjà faits, pas ouf, et qu'on voulait faire le nôtre, tu vois. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui demandent à faire leur propre bouquet, mais ce qui me perturbe un petit peu, on va dire, c'est les gens qui sont sûrs de ce qu'ils veulent et où, en fait, ils ne sont pas sûrs du tout. Ah, c'est moche. C'est-à-dire? Donc, par exemple, ils arrivent vraiment déterminés à « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Donc, plutôt principalement des couleurs. On leur propose des fleurs, donc « ah, ça, j'aime pas, ça, non ». Ça, j'aime pas. Et tout contre ça, en fait, ils partent sur autre chose, mais vraiment complètement. En fait, t'aimes pas les gens. Steve, on te double ton salaire. 2902 €, ça arrive très vite pour toi. Bravo. Super, merci beaucoup, Énergie. Merci à vous. Eh ben, merci à toi d'être là avec nous chaque matin. C'est comme ça tous les jours, je vous le rappelle. 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Il suffit d'envoyer salaire par SMS au 7-10-12. On va apprendre des choses dans 3 minutes, même pas 3 minutes. Le titre fait 2 minutes 40, c'est Upsilon, Every Time We Touch. Et juste après, comme chaque matin, on apprend des choses grâce aux infos aléatoires du monde de Salomé. Bienvenue sur Énergie. Every time we touch, I get this feeling.